إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc nous commençons maintenant avec environ 10 minutes de retard. Nous avons un petit problème technique. Inch'Allah, c'est réglé. Je demande juste aux frères de savoir si vous m'entendez bien. Apparemment, cette fois-ci, c'est bon, c'est bien. Il est possible que vous ayez entendu des voix, une pub, une publicité. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient, si ça vient de Skype ou autre. Nous sommes désolés. Le frère Abou Saïd ne sera pas là aujourd'hui. Inch'Allah, il sera là la semaine prochaine. Normalement, il doit y avoir, comme j'avais dit la semaine dernière, un PDF sur le texte que nous étudions, avec une explication que j'ai fait, que j'ai écrit, qui concerne tout le fiqh al-ibadat, mais ça n'a pas encore été fait. C'est-à-dire que parce que moi je l'ai écrit en Word. Mais de le mettre de Word en PDF, il y a eu quelques problèmes. Donc ce n'est pas encore fait, Inch'Allah, ça sera fait pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà pour ce qui nous intéresse avant le cours. Bon, on commence le cours directement maintenant, Inch'Allah. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les différentes sortes d'eau qu'il y a. Donc dans le mazhab de Shafi'i, à la base, il y a quatre sortes d'eau. La première eau. Alhamdulillah. Donc, peut-être que vous avez entendu la publicité. On essaie de régler ce problème. On ne sait pas d'où ça vient exactement. J'espère que ça ne reviendra pas, Inch'Allah. Donc, nous étions dans Kitab al-Tahara. Les sortes d'eau qui sont de quatre sortes. La première, c'est une eau qui est tahir ou mutahir. Je fais une révision de la semaine. Donc, une eau qui est tahir ou mutahir. Raï et makro. Et que donc, le fait d'utiliser cette eau n'est pas makro. On avait dit qu'il existe un mot en arabe, qui est utilisé notamment dans le Coran, qui remplace ces deux mots, tahir ou mutahir. Tahir qui veut dire pur, et tahir, finefsihi, pur en lui-même, ou mutahir, les raïs, et qui purifie autre lui. Ce mot-là, c'est tahur, tahurun. Donc, une eau qui est tahur, donc c'est-à-dire qui est pure en elle-même et qui purifie, et qui n'est pas makrou, c'est ce qu'on a dit Abu Shuja, rahimahullah, ou ma'ul mutlaq. C'est l'eau qui n'a pas de condition et qui n'est pas liée à quelque chose d'autre. Donc c'est l'eau qui vient, l'eau de comment dirais-je, l'eau de pluie, de la mer, etc., qui n'a eu aucun changement, aucune altération d'aucune sorte. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est une eau qui est tahir mutahir wakin makro, donc qui est pure en elle-même, qui purifie autre qu'elle, mais qui est makruh, donc il est détestable de l'utiliser, mais c'est autorisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché Les ablutions, les ablutions sont bonnes, mais il demandait, si possible, de ne pas utiliser cette eau. C'est de l'eau qui a été réchauffée avec le soleil. Donc on a vu que ce hadith a été rendu faible, notamment. Donc l'avis le plus sûr, c'est que cette sorte d'eau n'est pas bonne. L'eau qui soit réchauffée par le soleil, ou par une plaque électrique, ou par quoi que ce soit, ou qu'elle soit froide ou autre, n'est pas makrouh. Elle reste moubah, rien makrouh. Donc moubah qui n'est pas makrouh. Ensuite, la troisième catégorie, qui est l'eau tahir, ghayr mutahir, qui est pure en elle-même, mais qui ne peut pas purifier. C'est l'eau al-ma al-mustarmal, l'eau qui est utilisée. Donc on avait bien défini c'était quoi l'eau utilisée dans un livre de fiqh. L'eau utilisée, al-ma al-mustarmal, c'est une eau utilisée par une utilisation spécifique, c'est par une utilisation d'adoration, c'est-à-dire c'est l'eau qui se détache des membres, donc notamment du visage, des mains et des pieds pour ce qui est des petites ablutions, à l'eau ou du corps en lui-même si c'est pour le rose. Donc c'est l'eau qui se sépare du corps et qu'on récupère cette eau-là, on appelle mal mustamal. Dans le mazhab échafiri, cette eau-là est pure, c'est-à-dire que c'est pas une souillure, mais par contre on ne veut pas faire les ablutions avec cette eau qui a déjà été utilisée. On avait vu que la vie. Moi, je voyais que l'avis le plus juste, c'était faux. Car il y a un hadith qui est rapporté dans As-Sunan, dont Al-Albani a authentifié, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait essuyé sa tête avec l'eau qui restait, dont il s'était servi pour laver ses bras. Donc, c'est une eau mustarmal, une eau utilisée. De plus, à la base, il faut avoir une preuve pour sortir une chose de son hokm, de sa sentence de base. Donc l'eau, à la base, elle purifie, donc il faut une preuve comme quoi le fait qu'elle soit utilisée ne peut purifier. Et apparemment, il n'y a pas de hadith qui soit sahih ou hasan, soit authentique ou bon, qui implique que l'eau utilisée ne peut plus être réutilisée pour les ablutions ou les grandes ablutions. Donc ça fait deux catégories qu'on enlève. Et il reste... excusez-moi, c'est-à-dire que les al-mutahhir ou al-mutahhir qui se divisent elles en mastmaral ou al-mal-mutahhir bima khalatahu min al-tahhirat. Et l'eau qui a été changée dû à un mélange de quelque chose qui est tahir, donc qui n'est pas najis. Donc on avait vu que la vue plus juste, c'est que cette chose-là, qui est tahir, qui est rentrée dans l'eau, si elle change cette eau au point que le nom de l'eau est changé, comme par exemple l'eau de rose, on n'a pas le droit de faire les ablutions avec l'eau de rose, c'est pur. C'est-à-dire que si l'eau de rose tombe sur mes vêtements, je peux faire ma prière est acceptée. Mais je ne peux pas faire les ablutions avec. Si je mets un petit peu de poudre du café et que ça devient du café, cette eau-là, on n'appelle plus ça de l'eau, on appelle ça du café. Que ce soit pareil pour du thé ou autre chose, ou de l'eau savonneuse à quelqu'un qui fait sa lessive. L'eau de la lessive, il y a eu une dose de savon qui a été trop importante, on n'appelle plus ça, on n'appelle plus ça de l'eau seule. C'est de l'eau de lessive, donc on peut faire ses ablutions avec. Ensuite, donc ça c'est donc la troisième catégorie qui se divise en deux. Et la quatrième eau, c'est une eau qui est impure, qui est souillée, et donc qui souille, et qui a le même hukm, la même sentence que par exemple que pour l'urine. C'est-à-dire que cette eau-là, si elle touche mon vêtement, je ne peux pas faire la prière avec, il faut que je lave cette eau-là. Alors, on avait détaillé ça dans le mazhab Shafi'i, c'est une eau. Premièrement, qui a été changée, exactement, c'est une eau, dont une seule, au minimum, de trois caractéristiques, qui sont l'odorat, le goût ou la vue. Ça veut dire que si la couleur de l'eau a été changée due à quelque chose qui est najis, l'eau elle devient najis. Ou si son odeur a été changée, dû à une najis, quelque chose qui est najis, qui est najasa, quelque chose qui est najis qui rentre dedans, l'eau devient aussi najis. Ou par le goût, c'est-à-dire que si le goût a été changé par une najasa, donc l'eau devient najis aussi. Et on avait vu une deuxième catégorie dans le mazhab al-Shafi'i, c'est que si quelque chose qui est najis, par exemple, ne serait-ce qu'une seule goutte d'urine, une seule goutte d'urine tombe dans de l'eau dont la mesure est de moins de kullatayn, de deux kullas. On a vu, ça fait environ 215-216 litres. Moins de ça, donc cette eau-là devient najis. Ça, c'est pour le mazhab al-Shafi'i. J'avais donné plusieurs avis, j'avais donné notamment l'avis d'Ibn Taymiyyah et autres que moi je prends pour qui est le fait que si une najasa tombe dans de l'eau qui fait moins de 216 litres, on ne dit pas que cette eau est najis, on ne dit pas non plus que cette eau elle est toujours tahir mutahhir, mais on regarde cette najasa qui est tombée. Si elle s'est dissoute totalement, alors on regarde l'eau. Si une des trois caractéristiques s'est changée, alors elle devient najis. Si aucune de ces trois n'a été changée, donc l'eau reste pure et purifiante. Mais tant qu'il y a une najasa qui est visible dans cette eau-là, on ne peut pas l'utiliser, donc cette eau-là est en arrêt. On ne peut pas lui donner de hukm, et on ne peut pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on sorte cette najasa, ou que cette najasa se dissout dans l'eau, et après on regarde cette eau-là, est-ce qu'une des trois caractéristique a été changée ou pas. Ça, c'est pour la révision assez succincte du cours de la semaine dernière. Je demande au frère s'il y a des questions ou autres. Et j'espère qu'il n'y aura pas plus de problèmes de communication envers ça. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions, donc on va continuer, Inch'Allah. On continue dans la révision d'un autre chapitre. Il concernait notamment une chose qui est najis et qui peut redevenir tahir, pur. Alhamdoulilah. Et notamment, c'est le cas de la peau d'un animal qui est mort et donc qui est devenu najis, c'est-à-dire qu'il n'a pas été égorgé. Exemple, j'ai acheté un mouton. Je le mets dans mon jardin. Le matin, je viens et je le trouve mort. Donc, ce mouton, il est ce qu'on appelle meïta. C'est un cadavre et donc il est najis. Bien sûr, la viande, je ne peux pas ni la vendre, ni la manger, ni l'utiliser en rien. Je peux juste la mettre, par exemple, dans le désert ou autre et que les animaux profitent de cette viande. Mais moi, je n'ai pas le droit de profiter de cette viande qui est najis. Il n'y a pas de problème. Contrairement aux juifs, ce qu'ils ont fait, quand Allah Azzawajal leur a interdit de manger la graisse des animaux qu'ils égorgeaient, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils fondaient cette graisse, ils la vendaient aux gens et après ils mangeaient cet argent. Qu'Allah les combatte. Donc, par contre, par rapport à la peau de cette bête qui est morte, si on la tame, on avait vu que c'est le mazhab de Shafi'i et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, par rapport aux hadiths, parce qu'il y a un article sur ça aussi. Si on tame cette peau, la peau redevient pure, parce qu'à la base, la peau est pure quand l'animal est vivant. Je vais citer notamment le mazhab Zahiri, qui dit tout ça, je ne vais pas revenir sur ça va prendre un petit peu trop de temps, je fais une révision assez bref pour ne pas prendre trop de temps de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et comme il le dit Abu Shuja, comme c'est dans le mazhab Shafi'i, il a jild al-kalb wal-khanzir, sauf la peau du chien et du porc. C'est-à-dire que la peau du chien et du porc, si on la tanne, elle reste toujours najis. Pourquoi? Parce que dans le mazhab Shafi'i, le chien tout entier est najis et le porc aussi. Alors pour ce qui est du chien, j'avais donné les avis la semaine dernière. Personnellement, je prends l'avis de l'imam Abi Hanifa, qui c'est seulement la salive du chien qui est najis. Je ne vais pas refaire tous les dalils, c'est dans la cassette de la semaine dernière. Chacun prend l'avis que lui, il est persuadé que c'est l'avis juste. Donc, pour moi, le chien ne rentre pas pour ceci. Et bien sûr, il est interdit de s'habiller avec une peau de chien comme une peau de lion ou de guépard ou autre, ou d'utiliser comme chose pour s'asseoir dessus. Par contre, pour la peau du porc, ça, il n'y a pas de problème. Chose pour les Zahiriyya, bien sûr, toujours eux. Mais la peau du porc, même si on l'atteint, ne devient pas tahir. Ça, c'est la parole la plus juste. Car quand le porc était vivant, il était, comment dirais-je, quand le porc était vivant, sa peau était najis. Donc quand il est mort, c'est pas le fait qu'il soit, c'est pas sa mort qui l'a rendu la peau najis, mais il était najis avant sa mort. Donc même si on atteint, la peau redeviendra à son état initial, qui était vivant et qui était donc un état de najasa. Donc le porc ne, la peau du porc ne devient pas tahir, contrairement à ce que disent zahiriya, qui se base seulement à l'aspect apparent du Coran et du Hadith, sans essayer de chercher le preuve du commandement dans ce qu'on peut chercher. Il y a une question, une sœur demande, est-ce que toucher du porc annule les ablutions? Très bonne question, c'est une question que pas mal de personnes posent, que ce soit pour le chien ou autre, ou même par exemple, ce qui arrive assez souvent, des sœurs par exemple qui ont des enfants et qui changent leurs enfants et que bien sûr vont toucher l'urine, les excréments des enfants, est-ce que le fait de toucher du porc ou n'importe quel autre najasa annule les ablutions? Dans aucun des mazhabs, des quatre mazhabs, même chez les Zahariyas, ce que je sache, le fait de toucher, même volontairement, une najasa annule les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Quand on va y étudier, Inch'Allah, le fiqh de la prière, donc ce qui annule la prière, on verra que le fait de toucher, même volontairement, une najasa, que ce soit du porc, que ce soit d'une urine, un excrément ou autre, ou même par exemple, comme on verra les sortes de najasa, cela n'annule pas les ablutions. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'avoir une najasa sur sa peau, ou sur son vêtement, ou sur le lieu même où on se prosterne, la prière n'est pas valide. Il faut purifier la peau, les vêtements et le lieu même où on se prosterne de toute najasa. Ça veut dire que si jamais il y a une. Exemple, hein, par exemple, il y a une tranche de jambon qui est du porc qui est posée par terre. Si je me prosterne aussi, par exemple, ma main, quand je me prosterne, ma main touche ce jambon et il est najis. Ma prière n'est pas valide. Si jamais j'ai une trace de porc sur mes vêtements, je suis obligé de l'enlever. J'espère que j'ai bien répondu à la question, que ce soit pareil pour l'urine ou pour. Soit pour l'urine ou pour les excréments. C'est-à-dire que si jamais une femme ou un homme a de l'urine ou des excréments sur sa peau ou sur ses vêtements, ses vêtements extérieurs ou intérieurs, n'importe quel vêtement dans lequel il s'habille avec. Et de même pour ses chaussures ou les chaussettes, ou un chapeau, ou une yamama, ou un hijab, enfin tout ce que un être humain porte. Ou l'endroit où se prosterne, il faut qu'il n'y ait aucune najasa. Et quand on touche une najasa, à la base, quand on est sûr qu'on a touché une najasa, à la base, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Maintenant, si on ne voit pas la trace de najasa, on se lave les mains juste une fois, Inch'Allah, on verra ça après, certains disent 3 fois au minimum. Ensuite, si il reste des traces de najasa et qu'on sait qu'on peut l'enlever, alors il faut l'enlever. Mais si la couleur ne part pas, donc la couleur ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith où une femme avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait le sang des règles, pas comme on verra, le sang des règles est najis. Et donc là, elle avait dit que les traces restent, donc la couleur du sang des règles restait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ce n'était pas grave. Mais par contre, il faut laver. Mais c'est parce que certaines najasas peuvent laisser une trace de couleur. Cette couleur-là, à force même si on lave 10 fois, ne partira pas. Donc ça, ce n'est pas grave. Inch'Allah. Non. Une question, très bien. Une question. Il faut que, comme je l'ai dit, hein, tout vêtement, parce que certains pensent, et je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, ça. Certains pensent que la najasa qui est interdite sur le vêtement, c'est le vêtement extérieur, que les gens voient. Non, pas du tout. C'est tout vêtement que l'on porte, que ce soit extérieur ou intérieur. C'est-à-dire que ce soit le caleçon ou le pantalon ou le camis ou un t-shirt ou autre. Toute najasa qui est sur laquelle l'impureté doit être enlevée de ce vêtement. Soit on enlève le vêtement, donc comme ça on ne porte plus le vêtement en question, donc la prière est bonne, soit on lave l'endroit où il y a la najasa jusqu'à ce qu'on n'y ait plus la najasa. Voilà. Ensuite, on avait vu aussi dans le texte qui est marqué dans le mazhab Shafi'i, les os du cadavre et ainsi que ses poils sont najis, sauf Al-Adami, sauf donc les os et les poils d'un être humain qui est mort. On a vu que la plus sûre, c'est que les os et les os, les plumes et les poils d'une bête morte n'est pas najis. Wallahu a'lam. Inch'Allah, on va continuer. On a fini la révision de la semaine dernière pour tous les chapitres qu'on avait étudiés. Alors, je pars dans mon explication. Voilà. Il y a une question du frère Ibn Fulan qui est: qu'est-ce qu'une impureté et qu'est-ce qui n'est pas impureté? Impureté najis. Et bien justement, justement, ça c'est à ce moment-là, donc là je vais compléter les impuretés, Inch'Allah, ce qu'on appelle Al-Najasa, qu'on traduit légèrement par impureté ou par souillure. Personnellement, je préfère le mot souillure parce que dans le mot souillure, ça implique que ça souille autre. Mais pour la traduction, on met ce qu'on veut. Mais en arabe, on appelle ça une Najasa. Et donc la chose devient Najis. Najasa et la chose devient Najis. Alors je vais compléter tout ce qui est avec, et bien sûr il y a des divergences dans beaucoup de choses sur ce qui est najis et ce qui n'est pas najis entre les écoles, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je recherche juste dans mon explication la phrase où j'en parle. C'est bon, j'ai trouvé. Il n'y a plus de questions, très bien. Donc maintenant, justement, quels sont les najasas? Donc on vient de voir. Donc en suivant ce que je vous ai dit par rapport au chien, dans le mazhab al-Hanafi, c'est la salive du chien qui est seulement najis, et dans le mazhab al-Shafi'i ou al-Hanbali, c'est tout le chien. Et à la base, dans le mazhab malikite, le chien il n'est pas najis. Le porc, comme on vient de le citer, est najis. Maintenant, je vais vous citer les autres sortes de najasa qui existent. Alors, je vais parler. Je vais dans, si vous prenez n'importe quel livre de fiqh qui explique assez bien, vous allez trouver ces choses-là. Alors, je vous cite un hadith du prophète avant, qui avait dit: La haya fid din. Il n'y a pas de timidité en religion, c'est-à-dire quand on recherche la science. Des fois, on peut poser des questions qui sont, comment dirais-je, assez gênantes quand ça touche certaines parties du corps. Donc là, je vais parler de choses précises. Donc, vous comprenez je vais parler de certaines choses qui, normalement, dans une diction de tous les jours, on n'a pas à parler, mais là, quand on fait la chose de la science, et même pour tout le musulman, toute musulmane doit savoir ces choses-ci que je vais citer. Donc, on va commencer. Al-Wadi, Al-Wadiou. Kalimat Al-Wadiou. C'est quoi Al-Wadiou? Al-Wadi, ma'un abyad, sakhinun yakhruju 'aqab al-bawl. Al-Wadiou, c'est un eau, c'est une liquide qui est normalement blanc. Qui est assez visqueux et qui sort juste à la suite de l'urine. Et normalement, ça, c'est pour les hommes. Donc, juste quand on a fini de l'uriner, pour certains hommes, ça le fait plus ou moins. Il y a un liquide très visqueux qui normalement est blanc et qui peut devenir jaune parce que ça suit juste l'urine, donc ça a changé un peu la couleur en jaune et qui sort après l'urine. Comme on dit, généralement, ce sont surtout normalement les célibataires qui ont ça parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle donc en arabe, comme c'est marqué dans le Coran, al-mani. Al-mani, c'est le ce qu'on appelle le liquide sématique, c'est-à-dire c'est le sperme. Al-wadi, c'est quoi? Ce n'est pas exactement le sperme, c'est ce qui sort, comme je vous dis, à la suite de l'urine qui est blanc, qui peut devenir jaune dû à l'urine et qui est assez visqueux. Donc, et comme je vous l'ai dit, ceci touche généralement les célibataires. Et vous demandez pourquoi. El Wadi, c'est comme pour l'urine, c'est najis. Ça souille. C'est-à-dire que si j'ai du wadi sur moi, je ne peux pas faire la prière, je suis obligé de laver comme pour l'urine. Par contre, ça ne coupe pas les grandes ablutions. C'est comme pour l'urine, ça coupe seulement les petites ablutions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle el-madhi. Faites attention entre el-wadi, comme je viens de décrire, donc ça sort juste après avoir juste après à la suite de l'urine. Maintenant, autre chose, c'est el-madhi. El-madhi, ma'un abyad, lazijun yakhruju 'inda at-tafkir ash-shahwani. Donc, un autre liquide qui sort aussi de l'appareil génital qui s'appelle el-mavi. Attention, ce n'est pas el-mani. El-mani, comme on dit, c'est en arabe, el-mani, c'est liquide sématique, le sperme. Là, ça, c'est el-mavi. El-mavi, c'est une eau qui est blanche. Donc, là, normalement, sa couleur n'a pas été changée. L'azijun qui colle. Donc vous comprendrez que c'est en fin de compte blanche qui est collante. Elle sort comment? Birayl daf, sans comme exactement birayl daf sans éjaculation. C'est-à-dire qu'elle sort doucement. Elle sort doucement. Elle sort pas d'une seule fois. Elle ne sort pas en éjaculation. Elle sort doucement. Cette eau-là, elle est najis. On appelle ça al-mavi. Et quand ceci sort, cela ne coupe pas les grandes ablutions. Cela ne coupe pas les grandes ablutions, ça coupe seulement les petites ablutions. D'accord? Contrairement au mani, le mani donc en français c'est le sperme, que lui quand il sort, c'est comme le mani, sauf que quand il sort avec force, avec éjaculation. Et en plus, au moment où ça sort, il y a une jouissance qui est liée à sa sortie. Ça, par contre, comme vous le savez, quand le mani sort, quand le sperme sort, cela coupe les grandes ablutions, ça soit à cause d'un coït ou seulement en réfléchissant en haute, du moment que ça sort avec ces deux caractéristiques qui est d'une seule fois, donc avec une éjaculation, et qu'en même temps il y a une jouissance avec sa sortie. Parce que le mani peut sortir. C'est rare, mais dû au froid ou autre, d'une seule fois, mais sans qu'il y ait cette jouissance. Donc à ce moment-là, ça ne coupe pas les grandes ablutions, sauf dans le mazhab Shafi'i. Je regarde s'il y a des questions. Comme je l'avais dit, la haya fi d-din. Et ça, c'est une parole du prophète, ça ou ça même. Alors, juste, excusez-moi, est-ce que je lis? Au mavi. Quand le mavi sort, donc je vous juste rappelle c'est quoi le mavi. Mavi, c'est quand suite à une pensée, que la personne est seule et il réfléchit, par exemple, il est loin de sa femme, il réfléchit à sa femme, etc. Donc il y a certaines choses qu'il peut faire avec sa femme, et qui a ou il est avec sa femme, mais qui juste s'amuse avec, et qui a cette eau blanche qui sort tout doucement. C'est elle mavi. Ça, là, ne coupe pas les grandes ablutions, ça coupe seulement les petites ablutions, mais cette eau-là, elle est najis. Et le prophète a dit par rapport à celui-là, dont le mazis est musulman, où le prophète a dit pour al-mazza, celui-là, dont le mazis est italien. Par contre, pour ce qui est al-mani, je reviens au mani, donc le sperme, il y a divergence, est-ce que le mani est najis ou tahir? Dans les quatre écoles, le wadi qu'on a vu et le mavi, c'est najis. Dans les quatre écoles, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a divergence pour al-mani. Est-ce que le mani est tahir ou najis? La vie le plus juste, c'est que al-mani n'est pas najis. Déjà d'une, il faut avoir une preuve pour dire que quelque chose soit najis. Et là, et concrètement, il n'y en a pas. Deuxièmement, il y a un hadith qui est sahih où Aïcha, radiallahu anha, a dit que quand le sperme du prophète était sur son camis, à lui, si le mani était encore humide, alors elle le lavait avec de l'eau. Et s'il était sec, alors elle prenait le camis et elle frottait le camis. Donc, quand le sperme était sec sur le vêtement, elle frottait juste pour enlever justement le mani, le sperme qui était sec. Mais quand on fait ça, il y a toujours dans les fibres du camis, du mani, mais qui est sec. Donc, on se base sur ça pour dire que le mani, il est pur. Et notamment, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, disait par rapport au mani, au sperme, que le mani est comme pour la morve qui sort du nez. C'est-à-dire que si un homme qui a de la morve qui sort du nez et qui sort ses vêtements, il n'est pas bien de sortir, surtout par exemple à la prière ou autre, avec de la morve sur son vêtement. Ça ne se fait pas. Mais est-ce que la prière est bonne? La prière est bonne parce que la morve et tout ce qui coule du nez n'est pas najis. Par contre, c'est détestable d'avoir ça devant les gens. Donc, il est bien que quand il y a de la morve qui tombe ou autre sur son vêtement ou qu'on a sur soi, surtout si elle est humide, de la laver. Par contre, si c'est sec, si c'est sèche, si la morve s'est séchée, si on frotte bien le vêtement, après, il n'y a pratiquement pas de traces. Donc, Inch'Allah, l'avis le plus juste, c'est que elle manie, le sperme n'est pas najis. Par contre, il convient de ne pas sortir devant les gens avec du mani sur soi. Comme on ne sort pas devant les gens quand on voit qu'on a de la morve sur soi, on l'enlève, c'est pareil. Je continue pour le reste des najasats, donc le reste des souillures, des impuretés. Bawlul adami, bawl al-adami, l'urine de l'être humain. L'urine de l'être humain est najis. Sauf, il y a une divergence, mais on va prendre l'avis le plus juste, Inch'Allah. Sauf l'urine du petit garçon, et je ne dis pas bien du petit garçon, je ne dis pas de la petite fille, du petit garçon qui allaite encore. Son urine est toujours najis, mais une najis qui est mukhaffafa, qui est une najis qui est très légère. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de laver, mais on asperge. C'est-à-dire que je prends un petit peu d'eau et j'asperge juste d'eau. C'est-à-dire que par exemple, je trempe ma main dans l'eau et j'éclabousse avec l'eau qui est dans ma main. La partie où l'urine du petit garçon, pas la petite fille, du petit garçon, qui allait encore, qui a touché mon vêtement. Ceci suffit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de laver, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre de l'eau et d'essorer le vêtement pour enlever cette najasa. Parce que c'est najasa, par rapport à un hadith où le prophète a fait ça. D'accord? Donc sinon, toute urine d'être humain est najis. Wara'ituhu, ainsi que son excrément. Et même pour le petit garçon qui allait, l'excrément est najis. Comme on l'avait vu, madhiyuhu, son madhi, donc le madhi de l'être humain, ainsi que wadihu et le wadi de l'être humain. Une petite parenthèse, la femme aussi a du madhi, ainsi que du wadi et du mani. Pour ceux qui ne le savent pas, la femme a aussi un écoulement mani. En arabe, on dit mani, par contre, en français, on dit, je crois pas qu'on dit le mot sperme. Sperme, on dit seulement pour l'homme. Par contre, en arabe, on dit mani pour l'homme et pour la femme. Et comme je vous l'ai dit, le mani, donc le sperme, n'est pas najis. Et c'est la parole notamment du mazhab Shafi'i du mazhab al-Hanbali, comme quoi le mani n'est pas najis. Et c'est l'avis le plus fort, Inch'Allah. Ensuite, on a fini des êtres humains, on rentre maintenant chez les animaux. L'urine et les excréments de ce qu'on ne mange pas à sa viande. Donc ça, c'est najis. L'urine et l'excrément de l'animal dont on ne mange pas la chair et najis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout animal dont laquelle il nous est autorisé de manger, son urine et son excrément n'est pas najis. Il y a divergence et ça, c'est l'avis le plus juste. Comme je vais l'expliquer, Inch'Allah. Ce qui veut dire que tout animal dont on n'a pas le droit de manger, son urine et son excrément est najis. Exemple, le lion, le chat, une urine de chat ou un excrément de chat est najis. Est-ce qu'on a le droit de manger le chat? Là, non, le chat est haram, donc son urine et son excrément est najis. S'il y a de l'urine ou un excrément de chat sur ma peau ou sur mes vêtements ou sur l'endroit où je fais ma prière exactement, il faut que j'enlève cette najasa, sinon ma prière n'est pas valide. Bien sûr, je répète ça pour bien que ça soit ancré. le fait de toucher ça n'annule pas les ablutions. On verra plus tard ce qui annule les ablutions, mais ceci, le fait de toucher même volontairement, n'annule pas les ablutions. Alors, est-ce que l'urine et les excréments, donc le crottin de l'âne, je dis bien de l'âne, est najis? Oui. Pourquoi? Parce que il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de manger l'âne. Donc l'âne et la viande de l'âne est haram. On n'a pas le droit de manger la viande de l'âne, contrairement à la viande du cheval. Ce qui veut dire que l'urine et l'excrément du cheval n'est pas najis. Ce qui implique que si il y a de l'urine de cheval ou de l'excrément de cheval qui soit sur ma peau ou sur mon vêtement ou sur le lieu où je me prosterne, cela n'annule pas les ablutions, mais les ablutions sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas l'enlever. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on va dire qui est sale, qui est wasir. En arabe, on dit wasir, sale, mais ce n'est pas najis. Il faut bien faire la différence entre quelque chose qui est wasir et quelque chose qui est najis, quelque chose qui est sale et quelque chose qui a été souillé. Quelque chose qui est najis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une adoration sur ceci, on ne peut pas faire la prière. Mais wasir, quelque chose de sale, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire des ablutions. Par exemple, avoir de l'huile de moteur, du cambouis, de la terre. Ou comme je viens de citer par exemple de l'urine ou des excréments de cheval ou du mouton, cela n'empêche pas de faire la prière. Par contre, bien sûr, si j'ai de l'urine de cheval sur moi, je ne vais pas rentrer dans la mosquée dans la mosquée parce que c'est sale. Il faut que je sois propre. Mais concrètement, si je rentre dans une mosquée, je prie, ma prière sera bonne. Mais c'est sûr que je ne serai pas venu avec un bon comportement en faisant ça, surtout s'il y a une mauvaise odeur. Voilà. Alors, autre chose qui est najis, damul hayd, le sang des règles. On en reparle, il y a un chapitre dans le Tahara qui est spécifique aux règles de la femme, donc on va rentrer en détail après, et qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas comme on va l'apprendre un peu plus tard, Inch'Allah. Le sang des règles n'est pas du tout comme le sang du reste du corps. C'est un sang qui est plutôt noir, qui est très opaque, normalement, qui se solidifie, qui ne se solidifie pas et qui a une odeur qui est très forte et donc qui est très bien distincte du reste du sang. Donc le sang des règles est najis. Voilà ce qui est najis. Beaucoup de savants disent que le sang de l'être humain est najis. Et certains même disent qu'il y a ijmar. D'autres ne sont pas d'accord. Comme Ash-Shawqani, rahimahullah, l'imam Ash-Shawqani, ou à l'autre époque, comme Al-Uthaymeen ou Al-Albani. L'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le sang de l'être humain n'est pas najis. Contrairement à la grande majorité des savants qui disent, la grande majorité des savants disent que le sang de l'être humain est najis. Soit ils mettent leur dalil, c'est soit qu'ils disent, étant donné que le sang des règles est najis, donc le sang est najis aussi, l'autre sang. Et ça, on leur dit non, parce que vous ne pouvez pas faire de qiyas, d'analogie sur ça, parce qu'il y a une trop grande différence entre le sang des règles et le sang du reste du corps. La couleur, la composition, l'odeur changent. Tout change. Il y a pratiquement que seulement le mot sang qui reste. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais. Notamment dans le Sahih de Bukhari, l'imam Bukhari rahimullah rapporte des faits et gestes des Sahaba, notamment que quand ils priaient, ils pouvaient avoir du sang sur eux, soit par rapport à la guerre, ou soit par rapport par exemple, à un Sahabi qui avait un bouton, qui a percé le bouton, qui avait du sang qui coulait ou autre, et il continuait sa prière. Donc, apparemment, l'avis est le plus sûr, et c'est ce qui ressort de l'avis des Sahaba, c'est que le sang de l'être humain n'est pas najis. C'est-à-dire que si j'ai du sang sur moi, du sang de l'être humain, que ce soit mon sang ou du sang d'autre, cela ne m'empêche pas de faire les ablutions. Je regarde juste autre chose. S'il y a des questions, s'il y a des questions, posez-les maintenant. Donc voilà. Alors maintenant, je n'ai pas cité l'alcool, le vin, l'alcool, La grande majorité des savants disent que l'alcool est najis. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a du vin ou du cognac ou du rhum ou du whisky, n'importe quelle seule sorte d'alcool hein, qui bien sûr haram de boire, pour la grande majorité des savants, l'alcool est najis. C'est-à-dire que si quelqu'un a, par exemple, une tache de vin sur son vêtement ou sur sa peau ou sur l'endroit où il se prosterne, sa prière ne peut pas être valide, il faut qu'il enlève cette najasa. L'avis le plus juste ici, c'est que l'alcool n'est pas najis. C'est haram, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas najis. Mais sa najasa, son impureté, elle non pas physique, mais elle est abstraite. C'est-à-dire que c'est un péché. C'est dans le péché qu'elle est najis. Déjà, d'une, on demande à ceux comme quoi qui disent qu'elle est najis de venir avec une preuve concrète. Et concrètement, ils ont beaucoup de mal à venir avec une preuve et elles sont réfutées. Et il y a en plus une preuve comme quoi l'alcool n'est pas najis, comme vous pouvez trouver dans le Sahih de Muslim, c'est que quand le verset de l'interdiction définitive de l'alcool est descendu, qu'est-ce qu'ont fait les musulmans à Médine? Ils ont jeté tout l'alcool qui était dans leur tonneau dans les rues de Médine, au point que les rues étaient remplies d'alcool. Qu'est-ce que ça implique? Si l'alcool était najis, cela leur a été interdit de jeter comme ça autant d'alcool dans les rues de Médine. Parce qu'on n'a pas le droit de jeter des choses qui najissent sur le chemin où passent les musulmans. Est-ce qu'on peut jeter des tonneaux d'urine dans les rues en sachant que dans ces rues-là, les musulmans vont marcher dessus? N'est pas najis. Sinon, les habitants de Médine ne l'auront pas fait. Et si certains disent oui, mais ils ne savaient pas que c'est najis, eh ben oui, mais le prophète était à Médine, donc il l'a su, et il n'a pas blâmé cela. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas dû jeter l'alcool dans les rues, mais le jeter, par exemple, dans le désert ou autre. Il n'a pas dit cela. Il a laissé faire ceci. Donc cela implique apparemment que l'alcool n'est pas najis. Je vais citer l'avis le plus sûr, ceux qui étaient najis. Et je vais citer certaines choses où il y a une divergence, sur quoi divergence sur ce qui est najis et pas najis. Ensuite, comment on enlève une najasa? Rien à jumour. Attendez, j'ai une question. Alors, une question. Pour enlever de la colle d'un vêtement, mettre un bon coup d'eau suffit? Alors, déjà d'une, l'avis, le plus inch'Allah, c'est que la colle n'est pas najis. Donc, si on prie avec de la colle sur soi, la prière est bonne. Bien sûr, c'est comme pour. C'est sale. En plus, c'est de l'alcool, c'est quelque chose qui est pas bien. On ne va pas prier avec ça, on va l'enlever. Mais si, par exemple, c'est possible qu'un de vous, plusieurs de vous, même tous, je ne sais pas, non, vous préférez prendre l'avis qui est comme quoi l'alcool est najis, pas de problème. Donc, pour l'enlever, eh ben, il faut que vous l'enleviez jusqu'à ce qu'on ne voyait plus la colle. Et comme pour le centre des règles que je vous ai dit avant, quelque chose de concret, par exemple, le vin rouge, évidemment, qu'on dit qu'il tache bien. Pourquoi? Parce que le vin rouge, quand il tombe sur un vêtement, normalement, s'il est blanc, la couleur rouge peut rester. Si, quand vous lavez, mais que la couleur rouge ne veut pas partir, donc à partir de là, à ce moment-là, la couleur, cette couleur-là, ce n'est pas grave. D'accord? Mais il faut l'enlever avec de l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y a plus cet alcool. Pour ceux qui voient comme quoi c'est najis. Et pour ceux qui voient que ce n'est pas najis, ils peuvent prier, mais par contre, il est quand même demandé de l'enlever parce que c'est mal de prier avec quelque chose qui est sale et en plus qui est haram, qui est d'alcool. Et en plus de ça, il se peut que des gens voient que de l'alcool sur votre vêtement et pensent que vous avez bu de l'alcool et que vous en avez fait tomber sur vous. Donc il faut quand même l'enlever dans tous les cas. D'accord. Donc on me demande ce que je pense de l'alcool dans les parfums. Alors, il y a beaucoup de paroles sur ça. C'est ça, déjà d'une, étant donné que personnellement je prends l'avis comme quoi l'alcool n'est pas najis, donc bah, l'alcool des parfums, il n'y a pas de problème, c'est pas najis. Donc, c'est halal. Je vais dire la fatwa de l'Albanie, que j'avais entendue. L'alcool qui se trouve dans les parfums, si ce parfum-là n'est pas buvable, il n'y a pas de mal à l'avoir, voire même à faire commerce avec, mais attention à ne pas le fabriquer. Alors là, je vais pas rentrer à fond dans les détails, ça prend du temps. J'essaie de vous faire comprendre, il est interdit aux musulmans, c'est haram aux musulmans de posséder, de vendre ou de conserver de l'alcool. C'est haram. Quelque chose qui rend sous. L'alcool à 90 degrés, ceux qui sont alcooliques et tout ça, ils en boivent. Et s'ils le diluent, ça le diluent à 40%, à 40%, ils le boivent. Et donc, quand une personne qui fabrique du parfum a de l'alcool, à un moment donné, quand il va acheter de l'alcool, et cet alcool-là, c'est ce qu'on appelle l'alcool éthylique, c'est pas l'alcool acétique, l'alcool du vinaigre, donc là, il n'y a pas de problème. Et donc, dans sa fabrique de parfum, il va avoir à un moment donné, il va posséder, il va acheter un alcool qui peut servir à devenir sous, même si lui, son but sincère, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour faire du parfum. Et donc, il n'a pas le droit de le posséder, donc ne pas le faire. Maintenant, un musulman qui va acheter un parfum d'alcool qui est déjà fait, donc lui n'a pas rentré, mais cet alcool, ce parfum est déjà fait, et que ce parfum est imbuvable. C'est halal qu'ils l'achètent et qu'ils le vendent et qu'ils s'en mettent. Bien sûr, comme je dis, je prends toujours l'avis comme quoi l'alcool n'est pas najis. Par contre, il y a certains alcools, et notamment l'avait cité, comme il a dit, ukulunya. En arabe, ils appellent ukulunya. Vous avez compris, l'eau de Cologne. Pourquoi? Parce que, apparemment, même dans les pays arabes, mais ça se fait aussi en France, les alcooliques, surtout par exemple, ceux qui sont clochards, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont alcooliques et qui boivent n'importe quoi, ils boivent notamment l'eau de Cologne. Parce que l'eau de Cologne, c'est un parfum où le taux d'alcool est assez bas et que ce n'est pas aussi. Quand il va en boire, ça ne va pas lui faire autant mal que de boire un parfum avec de l'alcool dedans, comme je ne sais pas moi, un autre parfum où là, ça va être pratiquement imbuvable. Mais certains alcooliques peuvent boire de l'eau de Cologne ou certains parfums qui sont assez bas dans le taux d'alcool. Donc ça, étant donné que on peut s'en servir comme boisson, ceci est haram de l'acheter, de le vendre et notamment de le posséder parce qu'il a toujours cette caractéristique comme quoi il peut être bu. J'espère que j'ai été assez clair sur ceci. Donc, je continue sur quoi je disais. Comment on enlève une najasa, que ce soit une urine, un excrément, le sang des règles, ou tout ce qu'on a pu, les autres choses qu'on a pu voir. Dans la majorité des savants, une najasa ne peut pas être enlevée seulement par l'eau. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y ait au moins une fois qu'il y ait de l'eau pure qui est passée sur la chose. Un exemple concret, j'ai un vêtement. Et sur ce vêtement, il y a un excrément, par exemple, d'un enfant qui est sur le vêtement. Je peux au début enlever cet excrément avec du papier, avec du sopalin, avec autre chose, d'accord? Mais à la fin, il faut au moins que je fasse passer de l'eau, au moins une fois. Je peux faire depuis le début, je peux le laver qu'avec de l'eau. Mais il faut au moins que la dernière fois où je vais le laver, il faut qu'il y ait de l'eau. Et de l'eau, attention, comme on revient à l'eau qu'on a étudiée avant, de l'eau qui est pure en elle-même et qui purifie. D'accord? El-ma tahour. Ça, c'est dans l'école, ça c'est dans la majorité des écoles, notamment c'est dans l'école Maliki, Shafi'i ou Hanbali. Dans le mazhab al-Hanafi, donc chez les Ahnaf, ou chez les Hanafiyyah, on dit soit al-Ahnaf, les savants, al-Ulama al-Ahnaf, ou al-Ulama al-Hanafiyyah. C'est une parole aussi qui est de l'imam Ahmed, donc on peut le retrouver chez les Hanabila, et qui est la parole de Ibn Taymiyyah, de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, rahimahumullah. À savoir que Ibn Taymiyyah était Hanbali. Ibn Taymiyyah était Hanbali. Et que quand vous lisez dans Majmu' Fatawa ou dans d'autres, c'est écrit, et qui dit ce mot-là, wa qala ashabuna kaza wa kaza, ashabuna nos compagnons, ça veut dire quoi? Nos compagnons de notre madhab, du madhab Hanbali. Donc, c'était un Hanbali, mais il n'est pas, comment dirais-je, un fanatique du madhab, c'est-à-dire qu'il laissait très très bien les paroles du madhab sur lequel il avait étudié sur lequel il était. Quand vous voyez que le dalil était ailleurs. Donc, quand vous voyez Ibn Taymiyyah dire Ashabuna, nos compagnons, il veut dire quoi? Eh, alors, ulama al-Hanabila. De même, sachez que l'imam Nawawi, rahimahullah, était shafi'i. Et quand vous lisez, notamment dans son livre, Sharh Muslim, les explications de Muslim, et qui dit Ashabuna, nos compagnons, il veut dire quoi? Eh, ulama shafi'i. Ceci dit, dans le madhhab Hanafi, que c'est une part d'imam Ahmed et que c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, Raji, l'avis le plus prédominant, c'est quoi? C'est ça, c'est cette règle-là. An-najasa mata zalat bi aywajin kana zala hukmuha. Que la najasa, quand elle a été enlevée, alors, de n'importe quelle sorte, alors sa loi a été enlevée. C'est-à-dire que si jamais j'ai de l'urine sur mon vêtement, de l'urine d'un enfant qui est tombé sur mon vêtement, et je vais prendre un exemple comme ça, et je vais prendre par exemple, on va dire, par exemple du jus d'orange, et que je vais laver avec du jus d'orange l'urine plusieurs fois, jusqu'à ce que je sois sûr qu'il n'y ait plus d'urine, mais par contre il va rester en fait que du jus d'orange. Eh bien, dans l'école al-Hanafi, et notamment dans une parole de l'imam Ahmed Silavi de Ibn Taymiyyah, c'est qu'il n'y a plus de najasa. Et donc, je peux faire la prière. Par contre, dans la majorité, il faut absolument que je passe de l'eau pure au moins une fois pour l'enlever. Et je ne vous cacherai pas que je prends personnellement l'avis d'Abu Hanifa et d'Ibn Taymiyyah, que c'est une parole de l'imam Ahmed sur ceci. Ça veut dire qu'en fin de compte, et c'est ce qui ressort, et c'est ce qui revient dans la base de Soulfiq, mais dans la base des Al-Kawarid Al-Fiqhiyya, c'est que la najasa, du moment où elle est partie, son hukm est parti avec elle. Au moment que la najasa est partie, donc la sentence de la najasa qui empêche de faire la prière, donc la chose est devenue najis, impure, et bien cette sentence-là est partie avec la najasa. Wallahu a'lam. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qu'on trouve dans l'accord de Fiqhiyya qui est Al-hukmu idha thabata bi'illatin zala bizawaliha. C'est que la sentence, la loi, quand elle est mise en place à cause d'une chose, si cette chose-là est partie, donc sa sentence est partie aussi. C'est par rapport à ça. Une des preuves pour ceci est un hadith. Je lis le hadith, عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممتنة فكيف نفعل إذا ممترنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc il y a une femme de Bani Abd al-Ashhal qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous avons une route qui va à la mosquée, Muntinatan, qui sent très mauvais, c'est-à-dire qu'il y a, dans le sens qu'il y avait de la najasa. Kefana, comment on fait si jamais il pleut? Parce que la najasa va, à cause de lui, ça va faire des ruisseaux, et donc il va y avoir de la najasa qui va se coller aux vêtements. Le prophète a répondu, est-ce qu'il n'y a pas après elle, après cette rue-là, une autre rue qui est plus pure, qui est meilleure que celle-ci, que cette rue-là, Qalat Kultubala, elle a dit oui. Qalat, donc le prophète a dit, Fahati, donc il a dit celle-ci pour celle-là. C'est-à-dire que quand tu es tombé, quand ton vêtement a été souillé par cette boue qui avait de la najasa, et qu'ensuite tu es passé par une rue où il n'y avait pas de najasa, ton vêtement a été frotté par terre. Ce frottement sur cette terre qui était pure a purifié ton vêtement. Donc, c'est une preuve comme quoi l'eau n'est pas obligatoire pour enlever la najasa, mais toute chose qui va enlever la najasa suffit pour enlever toute chose qui enlève une najasa suffit pour enlever la najasa. La najasa, excusez-moi. De même, la najasa peut partir à cause du soleil et d'une grande période. Exemple, d'ailleurs, un exemple d'un hadith qu'on avait cité la dernière fois, là juste en entier, où Ibn Omar a dit « Kanatil kilabu taboul wa tukbilu fil masjid Donc il parle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, comprenez bien. Il y avait les chiens qui urinaient et qui rentraient et qui sortaient dans la mosquée. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait la relation qui descendait. Et ils n'étaient pas, donc les sahaba, les gens, à Yarushun, à asperger rien que quoi que ce soit par rapport à ceci. Rawahu al-Bukhari. Ce hadith est rapporté par Bukhari, le numéro est le numéro 171. Pour ceux qui veulent voir le hadith, l'explication dans Fathul Bari de Ibn Hajar al-Asqalani, c'est le hadith numéro 171 dans Sahih al-Bukhari. Donc les chiens à l'époque du prophète rentraient dans la mosquée, ils urinaient, et pourtant ils ne versaient pas d'eau sur ceci. Ce qui implique que à savoir bien sûr, il faut bien se visualiser la chose, c'est qu'à l'époque, alhamdoulilah, contrairement à notre époque, malheureusement, les mosquées, la mosquée du prophète, les mosquées de l'époque qui était venue après, il n'y avait pas de tapis comme c'est à notre époque, malheureusement. C'était à même le sol. C'était à même le sol, c'était même à même la terre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chien, en fin de compte, il est revenu à l'intérieur de la mosquée, mais sur de la terre. Et le fait que ça séchait et qu'il y avait le vent et autres qui passaient, et qu'il n'y avait plus, qu'on ne voyait plus l'urine, cela enlevait. Bien sûr, si jamais quelqu'un qui veut prier sur cet endroit et puis qui voit qu'il y a toujours l'urine du chien, il ne peut pas prier sans qu'il l'ait enlevé, notamment en jetant un seau d'eau, comme vous devez sûrement connaître beaucoup de vous doivent connaître ce hadith, où il y avait un arabi, un bédouin qui était rentré dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est allé dans un coin de la mosquée, qui a commencé à uriner. Les sahaba s'étaient levés pour l'empêcher, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé, mais laissez-le. Alors que certains se posent la question, pourquoi pour laisser le, il faut comprendre la hikma. C'est-à-dire que le mal est fait, il était en train d'uriner, donc autant qu'il finisse, parce que en plus, si jamais les sahaba voulaient le faire comme il le faire, l'en empêcher, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, quelqu'un qui est en train d'uriner debout, par exemple, si vous le prenez, vous l'empêchez, il ne pourra pas s'en empêcher, se retenir, c'est très difficile pour lui, donc il va uriner sur tout le monde. Donc autant le laisser. Une fois qu'il a fini, le prophète a ordonné de verser un seau d'eau et cela suffisait. Et donc, c'est-à-dire que quoi? L'eau va tomber sur l'urine et va s'enfoncer dans la terre et c'est bon. Malheureusement, à notre époque, avec les moquettes qui mettent dans les mosquées, on ne peut plus faire ça et ça devient difficile que quand il y a une de l'urine qui est dans la mosquée, de l'enlever, il faut venir avec une éponge et voilà. Par exemple, quelqu'un qui a une personne âgée. Ou autre, qui même s'il n'est pas âgé, qu'il a la continence, peut, ça, des fois ça arrive, peut uriner dans la mosquée contre son gré. Bon, là, il faut venir avec une éponge, avec un seau, alors qu'avant, c'était simple, un seau d'eau, hop, sur la terre, et c'était fini. Et avant, alhamdoulilah, avant, les sahaba, le prophète, sallam, rentraient dans la mosquée avec leurs chaussures. Maintenant, si on fait ça dans les mosquées de maintenant, vous faites jeter. À savoir que c'est une sunna de se prier avec les chaussures et que le fait d'enlever les chaussures spécifiquement pour la prière, c'est une caractéristique des gens du livre, notamment des juifs. Et vous trouvez ça, ce hadith. Le prophète a dit divergez-vous des juifs, priez avec vos chaussures. Le prophète a dit priez avec vos chaussures et notamment dans la mosquée. Comme quoi, les mosquées, en mettant de la moquette, en voulant bien faire tout ça, eh ben, on fait ressembler les mosquées aux synagogues où, généralement, ils ont pas le droit de rentrer avec leurs chaussures. Petite parenthèse. Je regarde s'il n'y a pas autre chose que je pourrais dire. Ben, je vais vous dire un hadith. Qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, et Abu Daoud rahimahullah, et qui a été authentifié par Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Nawawi, Al-Albani. Bon, tout ça, on dit qu'il était sahih. Je vous dis ce hadith. C'est le hadith qui est assez connu, où quand Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, est venu au prophète, alayhi salam, alors que le prophète était dans la mosquée, il était imam. Et le prophète a enlevé ses, je vous dis le hadith, le prophète a enlevé ses chaussures. Et les compagnons qui étaient derrière ont vu ça, ils ont fait pareil que le prophète. Ils ont enlevé, ils étaient en prière, mais ils ont enlevé leurs chaussures. Et à la fin de la prière, le prophète a demandé aux Sahaba, mais pourquoi ils ont enlevé vos chaussures? Ben, ils ont dit, ben, on t'a vu enlever ses chaussures, donc on les a enlevées. On tue l'imam, on fait comme tu fais en plus. C'est pas avec son laissé moi qui dis ça, c'est-à-dire qu'il était l'imam, il était dans son bus, ça trouve qu'il y a une révélation sur ça. Et il a expliqué que si, pourquoi il a enlevé les chaussures, parce que l'ange Gabriel est venu à lui et l'a informé que sous une de ses chaussures, il y avait une najasa. Et comme je l'ai dit, quand il y a une najasa qui est sur un de ses habits, donc là c'est sur les chaussures, la prière n'est pas valide. Sauf si on peut enlever l'habit, par exemple, pendant la prière, comme sur lequel une chaussure. Donc enlever ses chaussures parce qu'il y avait de la najasa sous ses chaussures. C'était pour ça. Et après avoir expliqué le pourquoi du comment, il avait enlevé ses chaussures en prière. Il a dit ceci. Si un de vous vient à la masjid, à la mosquée, alors qu'il regarde ses chaussures, donc s'il voit dans les chaussures, une souillure, donc quelque chose qui est qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit de les enlever? Non, il a dit Fremsahuma, alors qu'il les suit, c'est-à-dire qu'il va là où il y a de la terre et qu'il essuie ses chaussures, qu'il frotte ses chaussures contre la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de najis. Et après, il a dit Waliyusallifihima, et ensuite qu'il prie dedans, avec dans ses deux chaussures. Et il y a d'autres hadiths, notamment où je dis qu'il est bon de se prier avec les chaussures pour se différencier des gens du livre. Donc, ça c'est une bonne sunna à faire quand vous êtes en voyage. Concrètement, à ce que vous voyez beaucoup de monde, peut-être que certains de vous le font, ils mettent un tapis de prière ou autre et ils enlèvent leurs chaussures sans regarder s'il y a la najasa ou pas. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites cette sunna. Au moins, quand vous êtes en voyage, vous êtes sur la route, vous n'êtes pas dans une mosquée, les moquettes, vous allez marcher dans vos chaussures, vous allez vous faire jeter. Donc là, profitez quand vous êtes en voyage, sur la route, de prier dans vos chaussures. Mais ne priez pas directement. La sunna, qu'il faut vous regarder sous ces semelles, est-ce qu'il y a de la najasa? Si vous voyez de la médecine de la najasa, alors vous les essuyez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de najasa. Si vous n'arrivez pas à enlever, parce que malheureusement, là aussi, à notre époque, les semelles, il y a des. Comment dirais-je. Ce n'est pas lisse, mais il y a des. Comment je pourrais dire. Des stries, et surtout, la najasa peut s'incruster dedans. Vous savez, soyez que c'est incrusté dedans, vous ne pouvez pas en les enlever, donc là, vous enlevez vos chaussures. Mais sinon, gardez vos chaussures et priez avec vos chaussures, vous faites une sunna. Et vous vous différenciez des juifs. Ce qui fait partie, donc à mon sens, ça fait partie de Al-Wala ou Al-Bara. Je regarde juste quelque chose d'autre. Donc voilà, on va continuer dans le livre. J'ai fini donc d'énumérer ce qui était Najis. J'ai donné quelques hadiths et quelques profils, Inch'Allah, avec. Donc on continue dans le chapitre. Alors suivant le livre que vous avez entre parenthèses, entre crochets, il y a marqué Fil Awani. Al-Awani, c'est le pluriel de Ina. Al-Ina qui veut dire les récipients. Apparemment, il y a une question, je vais dire la question. Un frère demande si ses chaussures sont impures. Il prie en chaussettes. Oui, bien sûr, il peut en chaussettes. C'est-à-dire que si jamais il y a de la najasa sur ses chaussures et qu'il ne peut pas les enlever, ben, il enlève juste ses chaussures et il prie avec ses chaussettes. Et ses chaussettes, c'est pareil. S'il y a de la najasa sur ses chaussettes et qu'il ne peut pas les enlever, il enlève ses chaussettes. J'espère que j'ai été clair. Donc, Fil Awani. Donc, dans d'autres livres, il y a marqué entre parenthèses, parce que ça, ce n'est pas la parole d'Abou Choujar, ce qui est entre crochets, entre parenthèses, ce sont des rajouts de ceux qui ont édité. Moi, par exemple, dans le mien, il s'est marqué Maya harmoustirma'aluhu min al-awani wa maya juz. Ce qui est interdit d'utiliser parmi les récipients et ce qui était autorisé. Donc, là, maintenant, on vient au texte de l'imam Abou Choujar, rahimahullah. Et donc, il a dit. Voilà, exactement, il a dit Fosloun, un chapitre. Voilà, yajouz istirmalu awani. Et il n'est pas autorisé d'utiliser les récipients d'or et d'argent. Vous savez, les deux métaux précieux qui sont l'or et l'argent. En arabe, l'or, on appelle ça al-zahab. Attention, ce n'est pas al-zahab avec un alif, c'est le fait de partir. Al-zahab, c'est l'or. Wal-fidda, c'est l'argent. Les deux métaux précieux. Les deux métaux précieux qui sont l'or et l'argent. Al-zahab wal-fidda. Donc, il n'est pas utilisé, halal, il n'est pas autorisé, là, il y a jouz, d'utiliser les récipients, que ce soit verre, assiette, coupole ou casserole ou autre, qui sont faits en or ou en argent. Et ensuite, il dit, et il est utilisé autre qu'elle parmi les récipients, c'est-à-dire que ce soit en fer, en cuivre, en laiton, en n'importe quel autre métal, ou même en bois, ou en pierre, ou en terre, ou en ce qu'on veut, du moment que la chose soit pas rire, soit pure, et non pas najis. Comment dirais-je? Je pense que je n'ai pas à rajouter grand-chose sur ceci, sauf sur l'utilisation de l'or et de l'argent autre que les récipients, c'est-à-dire en tant que ce qu'on appelle les bijoux, ce qu'on peut porter sur soi. Et je ne vais pas rentrer dans la divergence, Inch'Allah. Donc même si ces récipients, juste une petite information, même si ces récipients, c'est juste plaqué or, c'est haram. C'est-à-dire que un verre qui est en fer, mais qui est juste plaqué or, donc c'est de l'or qui est plaqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas fabriqué en or, mais il y a juste une fine couche d'or qui est sur ce verre ou sur cette assiette, voire même sur la fourchette ou autre, c'est haram de l'utiliser. Hein. Plaqué or ou plaqué argent. Par contre, sachez-le, il est autorisé de posséder des récipients en or ou en argent. Comme a dit Abou Choujar, sa parole est très précise, machallah, il a dit, voilà, istermal ou awani, l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation en tant que manger ou boire. Par contre, c'est halal à un homme ou une femme musulman ou musulmane d'acheter, par exemple, un verre en or, un couteau en or, une casserole en or ou en argent, quoi, mais pas pour l'utiliser dans la cuisine ou en mangeant, mais c'est pour l'acheter, pour que ça comme ça, comment dire, au lieu d'avoir, par exemple, 1000 euros dans la banque, acheter de l'or. Et là, on a droit d'acheter de l'or, même si c'est en forme de sous forme de récipient, tant qu'on n'utilise pas ce récipient. Ceci est donc c'est utilisé de le posséder, de l'acheter et de le vendre, et de le posséder. Mais c'est son utilisation dans tout ce qui concerne le fait de manger ou de boire qui est haram, d'accord? Mais pas sa possession. La possession en elle-même est halal. Ensuite, le prophète sallam a dit: La talbasul haril, wala dibaja, wala tashalbu fi anayati dhahabi wa fiddati. Donc, il a dit: Ne vous habillez pas de la soie, wala dibaja. Ça, c'est la dibaja, c'est un autre nom, une autre sorte de soie, une soie qui est un peu plus rude. Wala tashalbu fi anayati dhahabi wa fiddati. Et ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Voilà, ta'koulou fi sihafihima. Et ne mangez pas dans ces plats, dans des plats qui sont faits en or ou en argent. Fa'innaha lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Car elles sont pour eux, donc pour les koufars dans cette dunya, elles sont pour nous dans l'akhirah, dans l'au-delà. Rawahu al-Bukhari. Le numéro, c'est 5426. Ensuite. C'est autorisé à la femme de s'orner avec n'importe quelle forme de bijou. Je vais pas entrer, c'est la parole, la grande majorité, si ce n'est, il y a eu ijmar sur ceci. La femme est autorisée d'utiliser l'or et l'argent pour s'orner avec des bijoux, que ce soit un bijou qui cerne le corps, comme par exemple un bracelet ou non, comme une broche qu'on met sur un vêtement. Ça, c'est l'avis le plus sûr, et ça, je ne vais pas rentrer dans cette divergence. Sachez-le. Et c'est l'avis des quatre, à la base, c'est l'avis des quatre écoles. La femme a tout à fait l'autorisation d'utiliser l'or dans ses ornements, en collier, en boucle d'oreille, en broche ou autre. Et avec l'argent pour l'homme. L'homme, l'être humain, l'homme, c'est pas la femme, mais l'homme masculin, l'homme, lui peut utiliser certains bijoux, notamment une bague par exemple, mais seulement en argent, pas en or. En argent, mais pas en or. Il n'a pas le droit d'utiliser l'or. Pourquoi? Parce que le prophète salam, a dit: حرم لباس الحرير والذهب إلى ذكور أمتي وحل لإناثهم. On a rendu haram le fait de s'habiller de soie et d'or à la dhukuri ummati, sur les masculins, donc sur les êtres, sur les hommes de ma communauté. On a rendu ceci halal pour ces femmes, pour les femmes de ma communauté. Et donc là, ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et il a dit qu'il était Hassan Sahih. Al-Bani l'a aussi authentifié. Et donc, quand le prophète a dit ceci devant tout le monde, il n'a pas mis de restriction. Je regarde s'il y a une question ou pas. Non. Donc, on a fini pour le petit chapitre qui est sur les récipients. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a parlé du siwak. Alors, dans certains de vos livres, entre guillemets ou entre parenthèses, il y a marqué fis siwak, dans le siwak. Ou il y a marqué, par exemple, istirmal ou alati siwak, l'utilisation de l'appareil du siwak. Et il a dit wa siwak mustahabun. Le siwak est mustahab. Alors, mustahab, comme je l'ai dit au début, dans la première cassette, le premier cours, le mustahab, c'est un terme technique, c'est un des hukm, un des lois, des cinq lois, l'ahkam al-khamsa. On utilise soit le mot mustahab, soit le mot sunnah, soit le mot mandoub. Et certains utilisent le mot mustahab dans ce qui est mandoub, mais au plus faible. Mais là, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails pour pas que ce soit trop compliqué. Mustahab veut dire sunnah ou veut dire mandoub. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est bien. Et le mot mustahab vient du mot hub. Hub, l'amour, donc c'est aimer, c'est bien, c'est aimer, mais c'est aimer mais sans être au niveau obligatoire, wajib, ce n'est pas wajib. Siwak mustahabun, siwak mustahab, quelque chose qui est aimé, qui est demandé à faire, sans que ça soit obligatoire de le faire. Donc celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché, il ne risque pas d'aller en enfer. Mais seulement, bon, il manque des bonnes actions. Il a dit, wa siwaku mustahabun fi kulli hal. Le siwak est chose aimée dans chaque état. Il l'a sauf barda zawal. Sauf après le zawal, donc après le zénith, donc après la prière de Zohr, ou à partir de la prière de Zohr, l'issa'imi, pour le jeûneur. Et ça, c'est une spécificité de l'école Shafi'i, qui disent que le siwak, c'est quelque chose de bon à n'importe quel moment, même pour le jeûneur. Dans la matinée, le jeûneur, il peut le faire, mais il est demandé, ça m'a échappé, il est demandé pour le soir qui jeûne, à partir de la prière de Zohr, donc après le zawal, après le zénith, une fois que le zénith est passé, donc c'est quand, concrètement, c'est quand l'heure de Zohr rentre, il est demandé, ce n'est pas haram, mais ce n'est pas bon, de faire le siwak. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent, parce que le siwak, ça va enlever la mauvaise odeur du jeûneur. Or, il y a un hadith où il est dit que cette mauvaise odeur est très aimée auprès d'Allah Azzawajal. Ça, c'est un qiyas, c'est une analogie qu'ils ont fait. Et ça, on le rejette. Le siwak, il n'y a rien qui indique que ce soit après ou avant le zawal. Le siwak est quelque chose qui est mustahab, notamment avant de commencer la prière, voire pendant qu'on fait ses ablutions, même pour le jeûneur après le zénith. Wallahu a'lam. Et sachez que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui était un imam shafi'i, hein, il est celui lui-même qui est shafi'i, a laissé C'est cet avis du Mazhab Shafi'i, comme quoi il faut pas utiliser, il est bon de ne pas utiliser le siwak après zawal parce que concrètement, il n'y a pas la preuve n'est pas assez forte, c'est juste un avis et il n'y a pas de dalil concret sur ceci. Ensuite, vous trouvez dans le livre, Abu Shuja, rahimahullah, a dit وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَادِعَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا. Il est dans trois lieux, dans trois cas, أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا, très fort, très dur, donc très fort en choses aimées. C'est-à-dire que ce n'est toujours pas wajib, mais c'est vraiment très aimé, très bon de faire le siwak dans ces trois situations qui sont Alors, quel est le mot al-azm? Certains, ce mot n'est pas très souvent utilisé. Quel est le mot al-azm? Al-azm, bon, je vous donne la traduction. Le mot azm, c'est-à-dire le fait de ne pas parler pendant très longtemps ou de ne pas manger pendant assez longtemps. Quelqu'un qui garde toujours la bouche fermée, qui ne parle pas pendant très longtemps, l'odeur de sa bouche va changer, il va avoir une mauvaise odeur. De même pour celui qui ne mange pas. D'accord? Donc là, il est aimé d'utiliser siwak, parce qu'il est bon d'avoir, surtout quand on va parler à quelqu'un, ou quand on va lire le Coran, donc on va parler, on va dire, on va être en relation avec Allah, Azzawajal, de changer cette mauvaise odeur en bonne odeur. Bien sûr, comme on avait vu juste avant, dans le Mazhab Shafi'i, ils disent que si c'est un jeûne d'adoration, bien sûr, hein, un jeûne médical pour santé, mais un jeûne d'adoration, après les zawal, il faut garder cette mauvaise odeur pour eux. Mais, Inch'Allah, la vie, comme on a vu, n'est pas comme ça. Mais dans tout autre cas, il est bon, s'il y a une mauvaise odeur de la bouche, de changer cette mauvaise odeur avec un siwak. Et sachez que une brosse à dents et un dentifrice a le même effet, et donc si la personne prend une brosse à dents avec un dentifrice, a la même action, a la même niya, il sera récompensé. Et ça, dans le livre de fiqh, vous pouvez le trouver. Il y a seulement une différence, parce que vous pouvez voir certains. Ils mettent, s'ils n'ont pas de siwak avec eux, ils prennent leurs doigts, ils frottent leurs dents avec leurs doigts. Ça, par contre, c'est un avis de certains savants, mais c'est faible, on ne le fait pas avec le doigt. Par contre, on peut le faire avec une branche d'olivier ou une branche d'un autre arbre, voire même avec, comme à notre époque, avec une brosse à dents, et notamment aussi du dentifrice. Par contre, on ne va pas en prier avec sa brosse à dents, bien sûr, et surtout du dentifrice dans sa poche. On prend le siwak, c'est bien mieux. Donc dans trois cas, quand il y a un changement de la bouche, donc changement d'odeur de la bouche dû à l'azm, donc c'est quand dû à une absence de parole très longtemps ou que la personne n'a pas mangé pendant longtemps, ou autre que ça, et quand il y a eu un changement d'odeur dans la bouche. Deuxième cas, deuxième situation. Donc, Abu Shuja a dit, wa inda al-qiyam minan nawm. Et lors de la levée du sommeil, c'est-à-dire que quand on se lève après avoir dormi, parce que comme vous le savez, quand on se lève quand on dort, par exemple, la nuit qu'on se réveille le matin, généralement, il y a une mauvaise odeur qui sort de la bouche, qui est très désagréable. Donc, par exemple, un conseil. Pour ceux qui sont mariés, quand on se réveille le matin, évitez de respirer devant le nez de son conjoint parce qu'il y a une mauvaise odeur et ça peut être désagréable pour l'autre. Et le mieux, c'est de s'éloigner, de respirer ailleurs. Et notamment de faire quoi dans ce cas-là? Ah, de prendre son siwak pour enlever cette mauvaise odeur ou de se lever et d'aller se laver les dents pour avoir une bonne odeur de la bouche. Troisième situation qui est Warind al-Qiyami ila Salah, parce qu'il y a bien sûr un hadith sur ceci. Warind al-Qiyami ila Salah, et lors de la levée pour la prière, c'est quand on va en prière, parce qu'il y a un hadith où le prophète avait demandé notamment qu'on fasse le siwak, le tasawwuk, avant de prier. Il est 10h40, il nous reste 20 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah, aujourd'hui, on a fait plusieurs petits chapitres, Alhamdulillah. Je regarde le prochain chapitre. Donc, est-ce qu'il y a aussi des questions? D'accord, on prépare pas de questions. Donc, pour aussi voir que, bien sûr, je vous rappelle que ceci est le siwak, une sunna, c'est une chose qui est bonne, soit qui fait le siwak, il revêchit une sunna, que ce soit l'homme ou la femme, que ce soit l'homme ou la femme, bien sûr. D'avoir un siwak avec ça, avec sur soi, c'est toujours bien de le faire avant prière. Il y a un hadith, notamment, qui dit aussi pendant les ablutions, je ne vais pas rentrer dans ces paroles. Elle purifie elle purifie la bouche et elle est agréée auprès d'Allah comme c'est dans le hadith. C'est une purification notamment pour la bouche et c'est un agrément pour Allah. Donc je vais continuer, Inch'Allah. Je regarde. Donc, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit faslun, donc chapitre. Entre guillemets ou entre crochets, il y a marqué fi furud al-wudu wa sunanihi, dans les obligations de l'wudu et dans ses sunan. Alors, furud, c'est le pluriel de fard. Un fard, c'est une obligation. Et le pluriel de fard, c'est furud, donc des obligations. Sunan, c'est le pluriel de sunnah. Une sunnah, on dit sunnatun, sunnah. Et le pluriel, c'est sunan. D'accord? Et le mot sunna ici, comme j'avais dit au premier cours, le mot sunna ici, ça ne veut pas dire qu'il vient obligatoirement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est dans le sens, c'est un degré parmi les cinq lois, c'est-à-dire ce qui est en dessous du wajib. Parce que le mot fard ici veut dire wajib. Fard, wajib ici, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc dans les obligations de wudu, et dans ces sunnas, et dans ces choses qui sont conseillées. Donc le mot sunna ici, il faut comprendre, c'est un degré qui veut dire qu'il y a une chose qui est demandée à faire, mais si on ne le fait pas, il n'y a pas de péché. Et notamment si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, eh ben, les ablutions sont valides. Car les ablutions sont valides si on vient avec al-furud, al-wajibat, avec les obligations. Mais si on ne vient pas avec les sunan, ce qui n'est pas avec les choses conseillées, même si c'est volontaire, les ablutions sont valides. Et ça fait partie notamment de fard ayn, une obligation spécifique sur chaque musulman. Chaque musulman et musulmane doit savoir obligatoirement ce par quoi ces ablutions sont valides. Ce n'est pas obligatoire de connaître les sunnahs, mais c'est obligatoire sur chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre avec quoi, le minimum, si vous voulez, avec un autre terme, le minimum obligatoire pour que ces ablutions sont valides. Et de même pour la prière. Les choses, le minimum obligatoire des paroles, des actions dans la prière pour qu'elles soient valides. Et le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, a fait une risala qui est notamment traduite en français, qui est très bien, qui s'appelle Wajibat, les conditions de la prière et ses obligations. C'est une petite risala que normalement tout le musulman doit savoir. Bien sûr, lui, sachez-le, le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, était Hanbali. Et en fait, quand vous lisez ça, quelqu'un qui étudie le fiqh, il voit en fin de compte très bien que l'imam Mohammed Abdel Wahhab, était un Hanbali. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Pourquoi il s'en cachera-t-il? S'en cachera-t-il? Et il a marqué les obligations par rapport donc, au madhhab Hanbali, le minimum obligatoire pour les prières. Et ensuite, quand il est venu au semaine, il a dit le semaine, c'est le reste. Donc, il n'a pas cité toutes les semaines. Et ça, chaque musulman doit apprendre, doit faire l'effort d'apprendre les minimums obligatoires de sa mission, les minimums obligatoires de sa prière. Quelqu'un qui ne fait pas d'effort sur ça est en état de péché. D'accord? Par contre, apprendre les dalils, c'est-à-dire que les preuves sur ceci, sur cela, apprendre avec toutes les divergences, ça c'est ce qu'on appelle faire le kifaya, c'est un faire de suffisance, c'est pas obligatoire sur chaque musulman. Mais il faut moi qu'il me fasse apprendre sur un madhhab, sur une école parmi les quatre écoles ou autres. Le minimum obligatoire pour que cette défense soit valide, ainsi que pour sa prière. Alors, il y a une question. Il faut maintenant des siwaks avec des goûts à la menthe. L'orange, c'est pour savoir si pendant le jeûne, on peut l'utiliser. Alors, si seulement c'est un goût et que ce n'est et qu'à l'intérieur du ventre, il n'y a pas de problème. Que ce soit un goût naturel du siwak ou que le goût du siwak a été changé en autre chose, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et sachez-le, même si pour certains ça peut paraître bizarre, se laver les dents avec une brosse à dents et du dentifrice n'annule pas les ablutions tant que vous n'avalez rien du dentifrice. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre quelque chose dans votre bouche quand vous jeûnez, mais il ne faut pas que cette chose qui vous rentrez dans votre bouche rentre dans l'estomac. D'accord? Vous pouvez mettre quelque chose dans votre bouche, mais il faut que cette chose que vous avez mis dans la bouche ressort. Il ne faut pas que ça rentre dans l'estomac. Parce qu'au moment où ça rentre dans l'estomac, si vous faites volontaire, le jeûne est annulé. Voilà. Par contre, les goûts à la menthe, ça par contre, ça me fait penser à ça, notamment un siwak au goût à la menthe, au goût à l'orange, on va dire avec un parfum à la menthe, un parfum d'orange, avec un parfum qui va sentir. Attention, pour ceux qui font le hajj, quand on fait le hajj, il ne faut pas se parfumer, on ne doit pas utiliser on a droit d'utiliser du savon pour se laver quand on n'est pas de ihram, quand on fait le hajj, quand on n'est pas de ihram, que la personne est muhrim. On peut utiliser du savon, mais il ne faut pas que ce savon soit parfumé. Par exemple, du savon de Marseille, c'est très bien. C'est du savon à l'huile d'olive, mais l'odeur à l'huile d'olive, c'est en lui-même. Un savon de base, c'est utilisé. On peut se laver avec du shampoing, mais il ne faut pas que ce shampoing soit parfumé. Ça, par contre, c'est plus délicat pour un shampoing qui ne soit pas parfumé. Le goût et le problème du siwak, où on a mis un parfum dedans, parfum à la menthe ou orange, ça peut rentrer dans ce qui est interdit pour la personne qui a des ihram quand il fait le hajj, c'est qu'il va utiliser sur son corps un parfum. C'est-à-dire qu'après il va parler, il va avoir une odeur parfumée qui va sortir de sa bouche. Donc n'utilisez pas ce genre de siwak quand vous êtes en état d'ihram, quand vous faites votre hajj. Ceci. En plus, le hajj, c'est dans un peu plus d'un mois, Inch'Allah. Ne l'oubliez pas. Excusez-moi, je reviens au texte de base du texte. Donc je parlais des fraudes et des sunnans. Donc oui, c'est obligatoire sur chaque musulman, chaque musulmane d'apprendre au moins sur une école, au moins sur un prof ou n'importe qui, ou sur un livre, le minimum obligatoire pour sa mission ou pour ses prières. C'est-à-dire que si la personne, ça fait plusieurs temps qu'il est musulman et qu'il n'a pas fait l'effort et qu'après il fait ses ablutions et qu'en fin de compte ses ablutions n'est pas valide parce qu'il n'avait pas appris, il n'est pas pris par l'excuse de l'ignorant. Pourquoi? Parce qu'il a été négligent sur le fait d'apprendre alors qu'il avait la possibilité d'apprendre. Si c'est aussi valable pour un converti, pourquoi un non-converti? Du moins que, sauf si le converti, il est converti depuis très peu. Mais si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, il est comme tous les autres. Ça, c'est le temps d'en reparler plus tard, Inch'Allah. Donc, on va commencer à rentrer dans ça. Ouais, d'accord. Je lis juste ce que j'ai écrit dans mon explication du texte. Je vais vous, bien sûr, alors. Donc, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit, va mettre les obligations et les sunan, donc les choses qui sont bien aimées, pour les ablutions, pour les petites ablutions, al-wudu. Mais il n'a pas cité les conditions, parce qu'il y a une différence entre les conditions et les obligations. Entre les shurut et al-furud, ou al-wajibat. Shurut, c'est le pluriel de shart, une condition. C'est quoi la différence entre un short, entre une condition et un wajib, une obligation, un fard? Rappelez-vous de ça, c'est intéressant pour ce qui va surtout vient maintenant et plus tard. Le mot short, c'est quand on l'utilise en fiqh et en sous-fiqh. En fiqh et en sous-fiqh, le mot short, en fin de compte, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais qui doit être venu, qu'on doit venir avec avant de rentrer dans l'adoration. C'est-à-dire que mes ablutions, mes petites ablutions, mon wudu, ne seront pas valides, sauf si je viens avec des shurut, des conditions, et après avec des furud, des obligations. Et shurut, ce sont les choses dont je dois venir avant de commencer mes ablutions. Et le furud, donc les obligations, c'est ce que les choses dont je suis obligé de venir une fois que je commence les ablutions. On retrouvera ça exact aussi dans la prière, dans le hajj, et dans le siyam et dans autres. Avec l'exemple, et inshallah, avec les exemples, et notamment en citant les shurut, les conditions et les furud, ça va devenir très clair, inshallah. Quelles sont les choses dont je dois venir avec, avant de faire les ablutions, pour que mes ablutions soient valides? Ceux qui veulent écrire, je vais citer maintenant shurut al-wudu, shurut sihhat al-wudu, les conditions de la validité des ablutions. Shurut sihhat al-wudu, shurut sihhat al-wudu, les conditions de la validité des ablutions. La première condition, l'islam, c'est-à-dire quoi? Avant de faire mes ablutions, il faut que je vienne avec l'islam, sinon mes ablutions sont nulles, elles ne sont pas acceptées. C'est-à-dire, moi, je suis musulman, alhamdoulilah, comme vous êtes musulmans, ceux qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des mécréants qui écouteront plus tard la cassette, des découffeurs, possible que des mécréants l'écoutent. Prenons par exemple quelqu'un qui est nasrani, qui est chrétien, donc qui est mécréant, qui n'est pas musulman, pas musulman. Il veut faire les ablutions. Il va venir avec toutes avec les obligations, c'est-à-dire qu'il va laver le visage, il va avoir l'intention son intention, c'est une adoration, il va laver le visage, les mains, tout ça. Est-ce que ces ablutions sont valides? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu avec l'islam. Il n'est pas venu avec l'islam, donc ces ablutions ne sont pas valides. Al-Murtad, l'apostat, c'est pareil, c'est un kafir, c'est un mécréant. Il faut venir avec l'islam. Donc, avant de faire des ablutions, il faut venir avec l'islam. Donc, quand on est déjà musulman, ça ne pose pas de problème. C'est quand on est mécréant qu'il faut venir avec. Donc, il faut devenir musulman. Il faut se convertir pour que les ablutions soient valides. Alors, juste parenthèse, parce que des fois on pose la question, mais est-ce qu'on interdit à un kafir, à un mécréant, de faire des ablutions? Non, on ne l'interdit pas. S'il veut faire les ablutions, ça ne va pas. Ça ne va pas nous à nous faire du mal et non plus à lui. Et peut-être même que par ceci, Allah va le guider. On n'en interdit pas. Mais concrètement, ces ablutions ne seront pas valides. De même pour sa prière. Si un kafir veut faire une prière, la prière des musulmans et tout ça, sa prière ne sera pas valide. Est-ce qu'on l'empêche? Non, on ne l'empêche pas de faire une prière comme font la prière des musulmans. Peut-être même que par ceci, ça lui fera réfléchir. Bien sûr, s'il se met imam, la prière est invalide pour ceux qui sont derrière. Un kafir ne peut pas être imam parce que là, ceux qui sont derrière l'imam, pour que leur prière soit valide, il faut une des conditions, enfin qu'il faut que l'imam soit musulman, d'accord? Donc, je reviens aux conditions de la validité de les ablutions. Donc, ce sont les choses qui font venir avant de commencer les ablutions. La première condition, c'est l'islam. Donc, le kafir, ses ablutions ne sont pas valides. Deuxième condition, al-aql, on peut le traduire par la conscience, c'est-à-dire qu'il faut que l'imam soit conscient. Ça veut dire que el-majnoun, le fou, c'est-à-dire que le fou, c'est quelqu'un qui a perdu la conscience, soit parce que, soit par rapport à un djinni. Le mot djinn, c'est le pluriel. Un parmi les djinns, on dit un djinni. Un djinni est rentré dans la personne, et a pris possession de la personne, et au moment où c'est le djinni qui parle, il n'y a plus le raqle. Donc si les ablutions sont faites par le djinni, les ablutions ne sont pas bonnes. Ou que la personne soit fou, autre que par un djinn, c'est-à-dire qu'il soit fou, qu'il soit pris de folie, mais que ça ne soit pas la cause de la cause des djinns, mais d'une cause autre. Donc, il n'y a pas le raqle. Rentre bien sûr dans le raqle, celui qui dort, quelqu'un qui est somnambule. C'est-à-dire que par exemple, son sommeil, il y a certaines personnes qui, des fois, quand ils dorment, hop, se lèvent et vont faire certaines choses comme s'ils étaient éveillés. Si une personne qui est dans son sommeil se lève et va faire ses ablutions, on ne peut pas dire que ses ablutions sont bonnes, parce qu'il n'y avait pas le raqle. De même, pour la personne qui est sous, n'a plus le raqle. Donc, toute personne qui n'a pas le raqle, la conscience, même s'il fait ses ablutions apparemment, d'accord, ses ablutions ne sont pas bonnes. La troisième condition pour la validité de la ablution, et je ne dis pas de l'obligation des ablutions, pour que les ablutions soient valides, et-tamiz. Et attention, je ne dis pas el-boulour. Et-tamiz. Je ne dis pas el-boulour, c'est la puberté. Et avant la puberté, avant que la personne, l'enfant, devienne pubère, il y a un état avant qu'on appelle at-tamyiz, qui est le fait de différencier. C'est-à-dire que le boulour, par exemple, généralement, le boulour, la puberté, c'est quand la personne devient responsable de ses actes et de ses paroles en islam, qui est généralement vers les 14-15 ans. On en reparlera en détail plus tard, Inch'Allah. Et avant cet âge-là, l'enfant va devenir ce qu'on appelle mumayyiz. Et ça, c'est le tamyiz. C'est-à-dire qu'il a le discernement. C'est-à-dire qu'il peut discerner entre le mal et le bien. C'est-à-dire qu'il comprend ce que c'est qu'une adoration et ce qui n'est pas une adoration. Il comprend ce que c'est, par exemple, ce qu'est l'iman, la foi, et le kufr, la mécréance. Il discerne ces choses-là. Ces choses-là peuvent, une personne, un enfant peut être moumaïse par exemple, à l'âge de 9 ans. Et certains savants mettent une date. À 10 ans, voire à 7 ans. Quand un enfant comprend et discerne vraiment ce qu'il fait, ça peut venir à l'âge de 7 ans. S'il fait les ablutions, ces ablutions sont bonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, par exemple, qui a 4 ans, ou qui a 3 ans, 3 ou 4 ans, s'il fait ses ablutions, en fin de compte, il n'a pas les ablutions. Parce qu'en fin de compte, il ne discerne pas exactement en fin de compte, ce que c'est une adoration, c'est une ibada. Et qu'en fin de compte, ça va enlever un état d'impureté qu'il était parce qu'il avait ses besoins. Bien sûr, on ne va pas interdire à un enfant de 3 ans, de 4 ans de faire ses ablutions. Au contraire, on va le laisser faire, voire même on va lui apprendre gentiment sans lever la voix. Comme ça, il va s'habituer dès son bon âge. Ce n'est qu'une bonne chose. Il n'y a aucun problème sur ça. Alors, on pose la question, les enfants qui font la prière sont-ils récompensés sans la puberté, par exemple? D'accord. Vu qu'ils n'ont pas certaines chourutes. D'accord. Alors, et ben voilà, si cet enfant-là, il est moumaïz, avant la puberté, il y a ce qu'on appelle, il y a un état qui s'appelle tamiz. Donc, l'enfant, il est moumaïz. Il est récompensé. L'avis le plus juste, c'est qu'il est récompensé. Mais s'il fait des péchés, il n'est toujours pas pris sous le péché. Par contre, le péché ne vient que al-boulour. Par contre, c'est-à-dire que s'il fait ses ablutions sont bonnes, et donc, c'est-à-dire qu'il discerne, hein, il comprend ce que c'est qu'une adoration ou pas, donc il a fait une adoration, il est récompensé. Et de même, s'il fait une prière, il est récompensé. Mais la prière n'est toujours pas obligatoire sur lui. Il ne reviendra obligatoire que quand il sera pubère. Ce qui n'implique pas que ses parents n'ont pas à lui demander à faire sa prière avant, comme c'est dans Sunan Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mouru awladakum bisala wa hum sab'a wa dribu alayha wa hum ashra. Ordonnez vos enfants de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans et frappez-les à 10 ans. Ce qui veut dire qu'on ordonne, ce qui veut vraiment appliquer bien la Sunna. Il ne cherche pas à diverger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a ordonné, parce qu'il a dit Mourou, donc c'est un ordre par rapport. Donc c'est wajib, c'est obligatoire pour nous, mais pas pour les enfants. C'est obligatoire pour les parents d'ordonner aux enfants de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 7 ans, l'enfant, on n'a pas d'ordre à lui donner. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'incite pas. On l'incite, on le laisse faire. On lui dit, si tu veux, est-ce que tu veux venir ceci, ça sera bien si tu peux faire cela, mais on ne lui met pas la pression, on ne l'ordonne pas avant 7 ans. On l'incite, on le laisse faire, mais on ne l'ordonne pas. À 7 ans, on lui donne l'ordre, mais on ne le frappe pas. On ne lui donne l'ordre. S'il ne veut pas ou quoi ou autre, on ne va pas le frapper. Bon, bah, s'il fait sa tête ou quoi, bon, on va le laisser. De toute façon, c'est toujours pas obligatoire. Il y a 10 ans, comme le prophète, c'est ici qu'on utilise. La frappe, si besoin est pour faire sa prière. Mais la prière, il faut savoir, n'est toujours pas obligatoire sur lui. Parce que quand il sera pubère, ce n'est pas seulement une frappe qu'il faudra lui faire s'il ne fait pas la prière, comme vous le savez, notamment avec la divergence, si il ne fait pas la prière, c'est un kafir ou pas. Donc là, je m'arrête là parce que je pense que vous savez la divergence. Quand il vient pubère, c'est-à-dire que donc, quand il vient pubère, c'est comme n'importe quelle autre personne, et on en parlera en détail quand on viendra à la prière. Voilà. Donc oui, la chaudrissière, donc il est bientôt même 11 h, je vais finir, Inch'Allah, les conditions de la validité de l'oudou, shurut sihhat l'oudou. On s'arrêtera là, inshallah, oui, parce que ça va faire les 2 heures. Donc la première condition, je me répète pour bien que vous compreniez, les conditions, ce sont les choses qui sont obligatoires de venir avant de rentrer dans l'adoration. La première condition, c'est quoi? L'islam. La deuxième, l'aql, la raison. La troisième, la tamise, le discernement. La quatrième, niyya, l'intention. C'est-à-dire qu'avant de commencer à se laver le visage, il faut savoir pourquoi on se lave le visage. Mais c'est ça, niyya. Je m'explique. Je n'ai pas mes ablutions, je n'ai pas le wudu et j'ai besoin de faire mes wudu, d'accord? On est en été, il fait chaud et j'ai envie de me rafraîchir le visage. Je vais dans la salle de bain, je prends de l'eau et je me lave le visage pour me rafraîchir. Ma niyya, c'est quoi? C'est de rafraîchir mon visage. Et après, j'ai rafraîchi mon visage avec l'eau, je me dis, tiens, j'ai lavé mon visage avec l'eau. Ah bah tiens, je vais faire des ablutions, il ne me reste plus qu'à laver mes mains jusqu'au coude, à essuyer ma tête et laver mes pieds, et c'est bon. Non, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il faut avant tout avoir la niyya d'avoir lavé, de commencer les ablutions, donc de commencer à laver le visage, que ce soit une niyya d'adoration, ibada. Et ce n'est pas une niyya juste pour se laver ou pour se rafraîchir ou autre. Sauf dans le mazhab Hanafi, et ça je vais vous le dire plus tard, mais ou quoi, mais l'heure est déjà 11 h, enfin voilà. Donc il faut absolument voir la niyya. C'est quoi la niyya? Concrètement, la niyya, c'est une chose qui se place sur le cœur, et c'est de savoir, c'est-à-dire on traduit le mot niyya par l'intention, et c'est quoi? C'est de savoir ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand je vais passer de l'eau, quand je vais laver mon visage, c'est pour faire une adoration qu'on appelle el-wudu. Ça soit pour enlever un état d'impureté parce que j'ai fait mes besoins, ou parce que je rentre dans une deuxième heure, j'ai toujours ma ablution, mais je veux recommencer mes ablutions, parce que c'est bien de recommencer ces ablutions quand on fait une deuxième prière obligatoire, quand on rentre dans la deuxième heure de la prière obligatoire. Bref, il faut avoir la niyya avant de commencer à faire les obligations. Certains, dans certaines écoles, ils mettent la niya en tant que fard, en tant que wajib. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la niya comme condition, mais comme un wajib. Ça ne pose pas de problème, ceci. Donc, la niya, c'est la quatrième condition. Cinquième condition, al-ma'u tahour. Il faut que l'eau qu'on va utiliser, al-tahour, soit pure et purifie. D'accord? Donc il faut qu'on vienne avec de l'eau. Avant de commencer, il faut que l'eau avec laquelle on va faire soit pure en elle-même et purifiée autre qu'elle, comme on a vu avant. La sixième condition, izalatu ma yamna'u wusulahu. C'est le fait d'enlever ce qui va empêcher l'eau de toucher ce qui doit être touché. Je prends un exemple. Je prends un exemple concret. Et qui est malheureusement qui existe, qui atteint les femmes et les femmes musulmanes. Mettre du vernis à ongles. Une femme qui met du vernis à ongles, quand elle veut faire ses ablutions ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce qu'elle a mis une couche de quelque chose, une couche d'une matière qui empêche l'eau de toucher les ongles. Et donc, l'eau n'a pas touché les ongles, et donc les ablutions ne sont pas bonnes. L'aîné, il n'y a, a, a pas de problème avec l'aîné, parce que l'aîné, ça imprègne la peau et les ongles, il n'y a pas de problème. Mais le vernis à ongles, c'est une matière que l'on met et qui empêche l'eau de toucher l'ongle. Et si l'ongle n'est pas touché par l'eau, il n'y a pas les ablutions. Donc, celles qui utilisent le vernis à ongles avant de faire vos ablutions, eh ben, il faut que vous enlevez le vernis à ongles avec la manucure. Je ne me rappelle plus si ça s'appelle le produit qu'elles enlèvent le vernis. Excusez-moi. Enfin, il faut enlever. Ça, c'est quelque chose de concret à notre époque. Ou par exemple, de la cire de bougie. J'ai une cire de bougie, il y a de la cire de bougie qui tombe sur ma peau. Avant de faire mes ablutions, avant que l'eau touche, il faut que j'enlève cette cire de bougie qui est sur ma peau. Il y a une question. Dans le cas où celui qui a un produit sur les mains ou les ongles mais qui n'arrive pas à l'enlever, comment fait-il? D'accord. C'est très simple. Il fait Fattakullah, comme c'est marqué dans le Coran, Fattakullah mastata'tum. Alors craignez Allah de ce que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Donc, éloignez-vous de ce que je vous interdis et venez de ce que vous pouvez, de ce que je vous ai ordonné. Ça, c'est une règle. La personne fait ce qu'il peut pour enlever ceci. Donc, avec un exemple concret, qui atteint des frères qui travaillent dans le bâtiment, et notamment comme peintres, et que de la peinture tombe sur leur peau. Et cette question est assez souvent posée, notamment pour les peintres en bâtiment. Est-ce qu'ils doivent obligatoirement enlever la peinture qui sont sur leur peau? La réponse est Fattakullah mastatoum, craignez Allah de ce que vous pouvez. Si vous pouvez, si vous pouvez enlever la peinture, vous l'enlevez avec un produit, avec un solvant. Maintenant, s'il reste des traces de peinture et que vous utilisez ce solvant et que ce solvant va abîmer votre peau en faisant des rougeurs ou autre, et donc là, il faut pas exagérer. Enlever de ce que vous pouvez sans que ça vous cause préjudice. J'espère que j'ai été clair sur ce sujet. Et ça, c'est une chose concrète qui arrive comme je dis, avec des frères qui sont peintres en bâtiment. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Une autre question. Ah oui, donc il y a un frère qui me demande de répéter en arabe. D'accord. Je vais le répéter en arabe. Inch'Allah. C'est le frère Qais. Hafizahullah wa hafizikumullah. Donc, les conditions de la validité de l'ablution. La première condition, al-islamu. La deuxième, al-aqlu. Le troisième, al-thalith, al-tamyizu. La quatrième condition, al-niyatu, al-niyah. La cinquième, al-ma'u at-tahur. L'eau qui est pure en elle-même et qui purifie. La sixième condition, c'est là que le Farkas me demandait, Izala, avec un tamar boutin, Izalatu ma yamna'u wusulahu. Izala ma yamna' wusulahu. Izalatu ma yamna'u wusulahu. Enlever ce qui empêche. Comment on va dire, sa venue, enlever ce qui empêche l'eau de toucher, de parvenir à la peau. Je vais donner plusieurs exemples. Ça, c'était le sixième. Hein. Non, c'était la sixième condition. La septième condition pour que les ablutions soient valides, inqita'ul hadasi. Illa l'istihadati wa ma fi hukmiha. Ça, c'est intéressant aussi. Inqita' al-hadath. Que le hadath cesse. Que le hadath cesse. La cessation du hadath. Rappelez-vous du hadath et du khabath. Le hadath, c'est ce qui annule les ablutions. Je vous explique un cas concret. Parmi les choses qui coupent les petites ablutions, il y a l'urine, les excréments et notamment le vent qui sort. En arabe, on appelle ça burata. Burata. Comme c'est dans le livre de l'Fiqh, vous trouvez ce mot-là, burata. En français, on peut le traduire notamment par le mot le paix, faire un paix. C'est-à-dire que c'est le vent qui sort par l'orifice de derrière. D'accord? Vous m'avez compris. Quelqu'un qui commence à faire ses ablutions, il faut, avant que commence la session, il faut que ceci s'arrête. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sa ablution s'il y a toujours du vent qui sort, s'il est toujours en train de faire du durat, s'il est toujours en train de péter, et ben il faut qu'il attende. Ceci, c'est pourquoi? Parce que ces ablutions sont toujours en état de se faire couper par ceci. D'accord? Notamment, si la personne urine, comment ça urine? Sauf, et c'est là juste là que vient l'exception, sauf pour l'istihada, je vous explique c'est quoi l'istihada, les femmes doivent le savoir normalement. Wama fi hukma, est-ce qui est dans son dans sa loi, dans sa sentence. Le mot al-istihada vient de haïd, les règles, istihada. Comme on va l'utiliser plus tard, Inch'Allah, bientôt dans le Tahara, il y a un chapitre spécifique pour les règles. Parfois, les femmes ont du sang qui sort de leur sexe, mais qui n'est pas le sang des règles. D'accord? Il y a un sang qui sort, mais qui n'est pas le sang des règles. Ce qui veut dire qu'elles doivent toujours faire la prière, elles doivent jeûner, d'accord? Contrairement au sang des règles. Comme vous le savez, normalement, même les hommes doivent le savoir, c'est une chose assez connue, que quand une femme a ses règles, elle ne peut pas, mais elle n'a pas le droit de faire la prière. À cela, elle peut faire des invocations, faire des adorations, mais la prière, non. Et de même pour As-Siyam, le jeûne. On est d'accord. Donc les règles, Al-Haïd, l'interdit de faire la prière et le jeûne. Maintenant, si c'est un sang autre que le sang des règles qui sort du même orifice, on appelle ça istihada. Et là, ça n'empêche pas. Et ça n'interdit pas la femme, mais la femme doit toujours faire sa prière et le jeûne. Et ce sang qui sort, et normalement qui va sortir en continu, à la base, ça coupe les ablutions. Donc comment elle fait? Étant donné que pour faire ces ablutions, il faut que la chose circulation cesse. Or, ce sang-là n'arrête pas de couler. Eh bien, il y a, comme on va l'étudier un peu plus tard, Inch'Allah, parce que ce problème a été vécu au temps du prophète, par des femmes. Sahabiyat, elle fait donc sa comment dirais-je, elle fait donc sa prière et son jeûne, mais elle ne va pas prendre en considération ce liquide, donc ce sang qui sort, comme quoi ça coupe ses ablutions, sauf, et là on voit, il y a des divergences, là je vais citer juste un avis, c'est l'avis plus sûr, Inch'Allah, elle prend cette sortie de sang, autre que le sang des règles qui sort, ça coupe les ablutions seulement pour la seulement pour la première, comment dire, seulement pour une prière obligatoire. C'est-à-dire que concrètement, elle a prié Fajr, et le sang, donc elle a fait ses ablutions pour la prière de Fajr, et ce sang-là sort, donc elle a toujours ses ablutions, elle ne prend pas en considération. Elle rentre dans le Dura, la même chose. Quand elle rentre dans l'heure de Dhuhr, là, ses ablutions sont coupées par rapport à l'heure de Dhuhr qui est rentrée. Donc là, elle refait ses ablutions. Il y a plusieurs paroles, je vous donne pour ce que celle-ci. Donc là, concrètement, il y a quelque chose qui sort et qui normalement coûte ses ablutions. Et on a vu que comme les conditions de la validité des petites ablutions, c'est que ce qui coupe les ablutions cesse avant de rentrer. Mais l'exception, c'est l'istihada, le sang autre que les règles qui sort en continu de la femme. Et j'ai dit après, Wama fi hukma, et de ce qui est dans sa loi, c'est quoi? C'est par exemple une personne, homme ou femme, qui a une incontinence. Ça veut dire que notamment ceci touche certaines personnes âgées. Certains parmi nous, même si on n'a pas, même certains jeunes l'ont, c'est assez rare, mais ça arrive. Mais certains parmi nous, si on atteint un âge assez avancé, on peut être touché par ce qu'on appelle l'incontinence, notamment urinaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme pour un petit enfant, un bébé ou autre, la personne ne peut pas s'empêcher d'uriner, c'est-à-dire que l'urine peut couler à tout moment. Et cette personne-là qui est touchée d'incontinence urinaire ou autre, et ceci, sachez-le, ceci touche aussi pour les vents, pour les pets. Il y a certaines personnes, ça arrive, ce n'est pas rigolo, surtout, moi ça ne me touche pas, mais il y a certaines personnes que ça touche, que je connais, ce n'est pas amusant du tout pour eux. Ils pètent, mais comment dirais-je, pratiquement toujours, il y a toujours du vent, et ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est très gênant pour eux, ça ne fait pas rire, qu'Allah me préserve que je sois dans cet état-là. Ces personnes-là aussi, et certains, ça leur pose problème par rapport aux ablutions. Et donc, ils posent cette question. Ah, j'ai ça, et notamment, ils ont assez honte de poser cette question, mais il faut qu'ils la posent. Et ceux qui la posent bien, alhamdoulilah. Ici, pour ces personnes-là, c'est pareil. Quand rentre une heure obligatoire, ils font leurs ablutions. Ensuite, quand le vent sort, jusqu'à la prochaine heure obligatoire après, ils ne prennent pas en considération, ils ont toujours leurs ablutions. couperaient leurs ablutions autres que leur incontinence, que ce soit une incontinence urinaire ou une incontinence par rapport au pet ou par rapport aux excréments ou autres. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est incontinent urinaire, mais s'il fait un pet, bon, ses ablutions vont être coupées, donc hein, il faut qu'il refasse ses ablutions. Mais par contre, si c'est comme j'ai dit, une incontinence urinaire, mais que l'urine qui coule, il ne prend pas en considération cette urine qui coule. J'ai fini. Alhamdulillah, les conditions de la validité des ablutions. Est-ce qu'il y a des questions? Il est déjà 11h15, on va finir ici, Inch'Allah. S'il y a des questions, c'est maintenant. Sinon, je vais clore. En attendant les questions, je vais dire, comme d'habitude, donc ceci, c'est le troisième cours. C'est le troisième cours du livre de Fiqh dans le Mazhab Ash-Shafi'i, qui s'appelle Mukhtasar Abi Shuja'a, de l'imam Abi Shuja'a, rahimahullah, l'imam al-Allama Abi Shuja'a, Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Isfahani al-Shafi'i, rahimahullah, al-mutawaffa sanata. Il est décédé en 593 de l'Hijra, rahimahullah. Nous sommes le samedi 7, je vais commencer, excusez-moi, par le mois de l'Hijra. Nous sommes le samedi du premier de Karda, le 7 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, donc on me dit qu'il n'y a aucune question. Très bien. Donc, comme je dis, normalement, on est rentré dans le mois de Zou el-Qa'da ou el-Qa'da. On a le droit de dire el-Qa'da ou el-Qa'da, avec un kaf. Et après le mois de Zou, il y a Zou el-Hijja. Zou el-Hijja. D'accord? C'est le mois du moment du Hajj. C'est-à-dire que le Hajj va commencer dans environ un mois et une semaine. Pour ceux qui pensent à faire le Hajj, ça va commencer. Donc les premiers. Comment dire? Actes du Hajj vont commencer dans environ un mois et une semaine. Donc c'est bon, pas de questions. On va arrêter là, Inch'Allah. J'ai tout donné. Barakallahu fikoum, je vous remercie pour votre présence. Inch'Allah, le livre va être fait en PDF, Inch'Allah, cette semaine. Sinon, bah, on se retrouvera la semaine prochaine, bi'iznillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ah, on me demande d'attendre, il y a peut-être une question. Excusez-moi, je suis toujours là. Le frère me dit qu'il y a apparemment peut-être une question, c'est pour ça que je suis là. Si ceux qui veulent partir peuvent partir, il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent rester pour savoir s'il y a une question ou pas peuvent rester. Bon, dans l'attente, je vais dire certaines choses. Je vais par exemple citer quelques versets. Au lieu que ce soit du blanc seulement, ou plutôt un hadith, je vais dire un hadith du prophète, lequel par exemple, tiens, قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء صرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي عن كعب بن مالك وحسنه الألباني. Donc je vous traduis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man talab al-ilm, celui qui recherche la science. Donc c'est ce que nous faisons tous aujourd'hui notamment. Man talab al-ilm yujariya bihi al-ulama, celui qui cherche la science pour être à côté des savants, pour être vu à côté des savants. Ou yumariya bihi soufa, ou pour faire le jadal, al-mira, donc pour polémiquer, al-soufa, c'est-à-dire que les soufa, dans le sens, les personnes stupides, mais dans le sens, qui sont pas savantes. Quelqu'un qui veut. Qui apprend la science pour pouvoir polémiquer avec ceux qui sont inférieurs à lui, notamment. Et pour diriger les visages des gens vers lui, c'est-à-dire afin d'être vu des gens, c'est quelqu'un qui recherche la science pour être vu des gens, qu'est-ce qui se passe si il fait une de ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Allah le fera rentrer au feu. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, du sahabi qui s'appelle Ka'ab ibn Malik, et il a été rendu bon par Al-Albani. Donc il faut, donc là on revient à Niyya, ou à l'ikhlas, la sincérité pour Allah, comprendre que Talab al-Ilm c'est aussi une adoration. Bien sûr, pas pour la médecine, mais la recherche de la science, pour la religion, il faut absolument que ça soit pour Allah, Azzawajal, et faire attention au shirk asghar, au petit shirk, qui est notamment Ria, le fait de se faire voir, la personne qui aime à ce qu'on le voie. On le voit aux côtés des savants. Et qui disent, ah, j'ai côtoyé tel et tel savant. Ou pour qu'on dise de lui, oh, ce frère-là ou cette sœur-là s'est assis à côté de tel et tel savant. Ou pour pouvoir polémiquer avec des personnes qui n'ont pas ou qui ont moins étudié que lui, et afin de faire, comment dirais-je, de les mettre, de les rabaisser devant les autres, comme un combat de boxe. Faites attention, il ne faut pas, quand on discute avec une personne sur un problème de fiqh, on ne défend pas soi-même, on n'est pas sur un ring ou autre. Ce n'est pas soi-même, on doit défendre la religion d'Allah, Azzawajal, et en aucun cas, ça doit défendre son avis à soi. Donc la personne qui recherche la science, pour ce qu'on le voit, qu'on parle de lui, il rentrera au feu. Donc là, je pense que la question est donnée. Voilà. Donc, je lis. Oumar Abdillah, si une femme utilise du maquillage, par exemple, le mascara, est-ce que ça empêche l'eau d'atteindre les cils, comme par exemple le vernis empêche d'atteindre les ongles? Alors, je sais très bien que le vernis, ça empêche l'eau. Par contre, le mascara, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, déjà d'une, je ne l'utilise pas. Donc, je ne sais pas si ma femme l'utilise ou pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement que le mascara. Il faut que la sœur voie elle-même cette matière qui est le mascara. Est-ce que ça empêche concrètement l'eau d'arriver, de toucher la peau ou non? Donc je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Allah. Je suis désolé. C'est une sorte de peinture qu'on met sur les cils. Si c'est une sorte de peinture, voire une sorte de bâture ou de graisse, et que cette graisse-là touche les cils et que concrètement empêche vraiment l'eau de toucher, et ben donc les ablutions ne sont pas valables. Je dis bien graisse, pas huile, parce qu'une certaine huile qui pend sur le pot, concrètement, ne va pas empêcher l'eau de toucher, mais la graisse en elle-même, la graisse empêche l'eau, parce que c'est une couche qui se trouve sur la peau, et si on passe la main et si on lave avec de l'eau, suivant cette graisse, la graisse peut une grande partie de la graisse peut toujours rester, et donc la peau n'a pas été touchée par l'eau. Donc concrètement, il faut que la personne, donc notamment que la sœur, regarde, voit avec elle-même est-ce que cette graisse-là, quand elle se lave, part avec l'eau des ablutions, ou si elle a cette graisse-là, cette matière-là, le mascara reste. Si elle voit que le mascara, ou une bonne partie du mascara est restée, ça veut dire donc qu'une bonne partie de la graisse est restée et qu'elle a empêché l'eau de toucher. Wallahu a'lam. Je demande à mon frère qui s'occupe de la. Parce que moi je ne peux pas. Je vous réexplique ma situation. Moi, je suis sur Skype et je ne vois pas ce qui se passe sur Paltalk, parce que je ne peux pas aller malheureusement sur Paltalk. Donc, je ne vois pas ce que vous écrivez. C'est un frère qui réécrit ce que vous écrivez. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et là, je demande à ce frère-là de me dire s'il y a d'autres questions ou si on arrête définitivement ce cours maintenant ou pas. Il me dit qu'il n'y a aucune question. Je lis ce qu'il marque. C'est fini, Inch'Allah. T'as eu. D'accord, bon là, donc là, Inch'Allah, l'enregistrement, donc, Inch'Allah, sera fini ici. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.